Vous êtes à l'écoute de l'émission La Rédac du Sport. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur la Red Arc du Sport, Radio Arc-en-Ciel. Très heureux de vous retrouver lundi 20 janvier, 20h35. On est en direct jusqu'à 22h30 en compagnie de Hugo qui nous rejoindra à partir de 21h, comme d'habitude pour la page foot. Et bien sûr, le programme tout de suite qui vous attend ce soir. On va bien sûr à partir de 21h parler de foot avec tout ce qui s'est passé ce week-end en Europe, en France avec la Ligue 1. On reviendra aussi sur le match nul de l'USO en National face à Châteauroux. On reviendra donc sur toutes ces rencontres. Les rencontres de la semaine en Ligue des Champions, ça y est, 7e journée et avant-dernière journée de Ligue des Champions. On en parle tout à l'heure et en Ligue Europa également pour nos deux autres clubs français. On aura donc pas mal de choses de ce côté-là, un côté foot, hein, vous l'aurez compris, un gros programme. Et puis avant ça, dans cette première demi-heure, tout le reste de l'actualité, on va balayer le multisport avec du rugby, avec la qualification pour la plupart des clubs français en quart de finale des Coupes d'Europe. On en reparle juste après. En tennis, on connaît aussi quelques qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Ce sera Sangen, mon fils, malheureusement, qui a dû abandonner sur son huitième de finale ce matin. On en reparlera. Qualification en revanche de Novak Djokovic, de Carlos Alcaraz, qui se rencontreront en huitième, et puis en quart, de Yannick Sinner, aussi l'Italien. On va en reparler en détail tout à l'heure. Du basket aussi, avec l'OLB qui a été battu pour sa sortie hier en Pro B et qui va attaquer la Leaders Cup à partir de demain pour les demi-finales. On en reparle aussi dans un instant. Et puis du hand avec le mondial, la France qualifiée pour le tour principal après 3 succès en 3 matchs. On en parle dans un instant également. Et puis du biathlon pour commencer avec l'étape qui nous a intéressé ce week-end en Coupe du Monde. C'était l'étape de RuPolding. Voilà le programme de la soirée. Et puis Hugo dans une grosse vingtaine de minutes pour le foot, bien entendu. 4 directs ce soir, ça va être chargé. 20h45, la Ligue 2, 19e journée, 3, 15e, reçoit Annecy, 7e. On aura également 20h45, l'Italie, 21e journée de Serie A, Côme, 17e, et reçoit Udinese, 10e. Et puis à 21h, 2 matchs en Angleterre d'abord. La 22e journée de Première Ligue, Chelsea, 6e, joue gros ce soir en recevant Wolverhampton, 17e. pour Chelsea. Une victoire permettrait quand même de revenir un petit peu sur le podium et voilà, se donner un petit peu d'air. Pour l'instant, Chelsea est sixième, car avec 3 points de plus, Chelsea reviendrait quatrième devant City. Donc important ce match pour les Blues. Et puis en Espagne, à 21h également, c'est la 20e journée de Liga entre Villarreal 5e et Mallorca 6e. Là aussi un match important pour les deux clubs pour revenir, essayer de revenir sur le top 4. Voilà l'enjeu de ce match ce soir. Donc, 4 directs, beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit, beaucoup de programmes intéressants. On aura Hugo donc à 21h pour le foot. Mais tout de suite, eh bien, on démarre tout de suite le programme avec, je vous l'ai dit, le biathlon. Le biathlon, c'était la cinquième journée, la cinquième étape pardon, de cette Coupe du Monde. Une nouvelle étape en Allemagne. Après Oberhof la semaine passée, c'était Ruhpolding au programme. Les individuels, où la France a brillé chez les dames, puisque c'est Lou Jean Monod qui s'est imposé autour d'un 20 sur 20. Elle devance l'Allemande Franziska Preuß, la leader du général. A noter la belle 4e place d'Océane Michelon, auteur d'un 19 sur 20. Sur les hommes, c'est Sorum, le Norvégien, qui s'est imposé, auteur d'un sans faute. Émilien Claude qui prend une belle 2e place, auteur lui aussi d'un sans faute. 3e place pour le Letton, Rastor Guieff. Les Français sont assez loin. Les autres 12, 13, 15e pour Fabien Claude, Éric Perrault, encore Guigonna, Jacqueline plus loin, Quentin Fillon-Maillet également de cet individuel. On avait ensuite les relais qui avaient lieu en fin de semaine. Victoire chez les hommes donc de ce relais. 4e victoire consécutive en relais pour les Français qui ont été énormes. Émilien Claude et Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacqueline pour conclure, qui s'impose avec seulement 6 pioches. Hein, c'est très très peu dans un relais. Et la Suède termine 2e avec 10 pioches et l'Allemagne 3e avec 14 pioches. La Norvège au pied du podium. 4e qui s'est sabordé, hein, 3 tours pénalité et qui termine loin. Les frères Beu n'ont rien pu faire pour rattraper le retard qui avait été pris auparavant. Donc 4e place pour les Norvégiens. Et puis chez les femmes, c'est l'Allemagne qui s'est imposée à domicile devant la Norvège 2e et la France 3e qui avait très mal démarré. Et à tour, Justine Mirzaz et Julia Simon ont permis de revenir à cette 3e place sur le podium malgré un taux de pénalité d'entrée de relais. Et enfin hier, les Mastart qui avaient lieu, c'est l'Italien chez les hommes Tommaso Giacomelli qui s'est imposé pour la première fois dans sa carrière sur ce Mastart avec un sans faute. Lagrette 2e, Yannis Beu 3e malgré ses 2 tours de pénalité. On retrouve Quentin Fillon-Maillet 6e et Emilia Jacquelin 8e. Trop d'erreurs pour espérer mieux dans cette Mastart. Et puis chez les femmes, c'est la Suédoise Elvira Öberg, elle est aussi auteur d'un sans faute. Franziska Preuß limite les dégâts avec un 19 sur 20, elle prend la 2e place. Et Jeanne Richard, premier podium en carrière, prend la 3e place avec un sans faute également. Donc belle performance et qui partait assez loin et qui s'impose sur cette 3e place au sprint avec Dorothea Wierer, l'Italienne, et revient juste derrière Franziska Preuß pour la 2e place. Mais en tout cas, très beau podium pour elle. Ce qui nous donne le classement chez les hommes, Yannis Beu reste leader, mais prend du retard, perd de l'avance, puisqu'il avait fait une très mauvaise opération en début de semaine sur l'individuel, puisqu'il a terminé seulement au-delà de la 80e place, donc il n'a pas pris de points. Il est auteur de beaucoup d'erreurs, plus de 5 erreurs, il a perdu des points. Mais il reste quand même leader pour l'instant avec 727 points. Lagrette 2e, 689 points, vous voyez, il est très très proche. Jacqueline et Perrault sont juste derrière. Pas tout nettement décroché, mais il y a quand même presque 200 points de retard, donc ça peut encore revenir. Et on a appris également la retraite de Yannis Beu en fin de saison. Ça, il l'a annoncé cette semaine. Donc dernière saison pour le Norvégien, qui peut encore battre de nombreux records. Et puis chez les femmes, Franziska Preuß reste leader devant Lou Jean Monod, la Française, avec presque 150 points de retard, donc rien n'est joué. Et après, on a un beau quarter français, 5, 6, 7, 8e place, avec Jeanne Richard, Julia Simon, Michelon et Justine Brezaz, qui sont quand même nettement plus loin, mais qui peuvent encore espérer aller chercher peut-être le podium dans ce classement général. La suite de ce programme de biathlon, ce sera cette semaine à Antols, dernière étape avant les mondiaux en Suisse qui auront lieu mi-février. Donc Antols, voilà, qui va avoir lieu cette semaine. Donc le programme qui nous attend sur cette épreuve italienne avec un sprint, une poursuite et un relais. À nouveau, comme cette semaine, donc on va juste remplacer un sprint et une poursuite qui auront lieu donc à partir de mercredi. Mercredi le sprint pour de jeudi, pardon, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours d'épreuve avec donc sprint, poursuite et relais. Et ensuite nous aurons les mondiaux mi-février. On va retrouver l'intégralité des épreuves. Ce sera seulement mi-février, donc il y aura une petite un petit peu de repos avant d'attaquer ces mondiaux. Voilà le programme de la semaine en biathlon. On enchaîne avec tout à fait autre chose maintenant avec du handball. C'est le mondial garçon qui a lieu en ce moment. Les Bleus qui sont qualifiés pour le tour principal sans encombre en réalisant un sans faute sur sa phase de poule qui était largement à sa portée. Victoire face au Qatar 37-19, face au Koweït 43-19 et face à l'Autriche 35-27 avec un peu plus d'adversité, mais comme largement leader de ce tour principal. Donc qualifié pour le tour suivant, pour le tour principal, les Français qui vont retrouver dans ce tour principal donc déjà les deux qualifiés également de son groupe, mais qui ne vont pas rejouer, hein, c'est normal. Donc on va retrouver dans ce tour principal, hormis donc ces équipes là donc que je vous ai donné à l'instant, on va retrouver les Pays-Bas, donc va affronter la France. On va retrouver également la Macédoine du Nord et on va retrouver également la Hongrie. Voilà les trois adversaires des Bleus dans ce tour principal. La France démarre donc avec 4 points, hein, le maximum possible pour en arrivant. Donc ça va déjà, et c'est sûr, donner un petit coup de pouce. La Hongrie, donc ce sera demain soir, 21h. Attention, méfiance face aux Hongrois. Les Pays-Bas ensuite, ce sera jeudi soir, et enfin on aura samedi soir, donc à 20h30, la Macédoine du Nord, donc pour clôturer cette phase de poule de tour principal. Donc là en Hongrie ce sera 21h, je l'ai dit, Pays-Bas à 18h, jeudi et samedi c'est 20h30 pour la Macédoine. Les 4 premiers parmi les 6 se qualifient pour les quarts de finale, voilà, donc pour les Bleus. Normalement c'est largement à sa portée, mais ensuite il y aura forcément du lourd pour la suite de la compétition. Mais en tout cas voilà, 3 adversaires déjà cette semaine avant de donc voir ce qui va se passer à partir des quarts. On espère que les Bleus y sont, donc on, samedi on en saura plus et on aura normalement l'adversaire des Français en quart si c'est y sont, donc toute la semaine prochaine, quart, demi-finale. Donc il reste, vous l'aurez compris, 2 semaines de compétition. Voilà pour les garçons. Et chez les dames, eh bien, le hand se poursuit en club avec notamment la Ligue des Champions où le Metz s'est qualifié presque, mais en tout cas s'est imposé et quasiment qualifié, hein, parce qu'elles sont en leader, les Messines, quasiment avec un sans faute. C'est un petit peu moins bien pour les Brestoises dans l'autre poule, mais qui conservent ses chances de se qualifier malgré sa défaite cette semaine, mais qui reste quatrième, donc rien n'est joué, reste encore jusqu'à la fin de cette saison 4 rencontres pour essayer de faire mieux et pour Metz, pas pour rester à cette place de leader et aller chercher un adversaire plus abordable ensuite. Voilà pour le horn. C'est parti pour les deux directs de 20h45. Je rappelle, on a donc 3 Annecy en Ligue 2 et on a donc comme Udinese en Italie. Donc c'est parti, début de ces rencontres. Et dans un quart d'heure, le début de Chelsea, Wolverhampton et de Villarreal, Mallorca en Espagne. On poursuit maintenant avec du basket. Je le disais, l'OLB battu dans cette journée de Pro B. Voilà, courte défaite, mais défaite pour Orléans. C'était hier soir à la Comet Arena. Défaite 83-80 face à Saint-Chamond, qui est l'une des équipes qui avait battu Orléans déjà à l'aller, hein. L'une des seules défaites d'ailleurs d'Orléans à l'aller, et qui avait été une large défaite, c'était cette fois un peu moins, mais défaite tout de même 83-81, qui laisse du coup Orléans, qui laisse s'envoler Boulazac en tête du général, qui de son côté s'est imposé à Antibes vendredi soir. Donc Orléans qui du coup va rester deuxième avec une victoire d'avance sur Rouen qui est troisième. Cette semaine, donc 2 matchs, puisqu'il y aura la Leaders Cup je le disais, hein, cette semaine, Orléans va recevoir, enfin se déplacer, pardon, pour cette demi-finale de Leaders Cup. Voilà, donc ce sera demain soir pour Orléans qui va tenter de faire déjà un premier écart, on l'espère, lors de ce match aller à Rouen, donc demain à 20h, cette rencontre. Et puis la semaine prochaine, ce sera donc l'autre rencontre, le retour à Orléans cette fois, donc mardi prochain à 20h, pour essayer de se qualifier. Donc on n'aura pas de match d'appui, hein, quoi qu'il arrive, il y aura un qualifié, puisqu'on prendra l'ensemble des deux rencontres en compte pour savoir qui se qualifiera. Donc pour cette finale, donc Orléans-Rouen, ce sera donc, je le disais, mardi prochain à 20h à la Comet Arena. Donc voilà, belle fête en perspective, on l'espère, et une qualification, pourquoi pas, pour la finale. Et puis il y aura un autre match cette semaine, vendredi, un déplacement à Hyères-Toulon pour le compte de la 21e journée de Pro B, vendredi à 20h, face Hyères-Toulon qui est 16e. Donc là, il faut vraiment gagner, hein, pour se remobiliser après cette courte défaite un petit peu frustrante. De son côté, Boulazac, le leader, se déplace à Nantes, 19e. Donc là aussi, normalement, ça devrait bien le faire pour Boulazac et rester leader. Donc il faut absolument gagner pour Orléans pour rester sur ce podium. Et puis donc demain, match aller, demi-finale aller de la Leaders Cup pour Orléans à Rouen. Voilà pour le basket. On poursuit maintenant avec du tennis, du rugby, pardon, juste avant du rugby avec la fin des phases de poule des champions, pardon. Il y aura aussi après l'autre coupe, mais on connaît les qualifiés donc pour les quarts de finale, puisque pour les huitièmes de finale, puisque donc Toulouse s'est qualifié, hein, sans problème, hein, loin de là, puisqu'il y a eu une victoire, large victoire, hein, pour Toulouse à domicile. C'était face à Leicester, pardon, 80-12, 12-7, dit transformé. Enfin voilà, un vrai récital pour Toulouse qui s'est régalé. Antoine Dupont, voilà, Thomas Ramos bien sûr, qui était là pour tirer les pénalités et les transformations, qui s'est très peu raté. Antoine Dupont, auteur d'un doublé. Enfin, voilà, c'était un récital pour Toulouse, qualifié sans encombre deuxième, puisque Bordeaux-Bègles a fait mieux. 4 victoires en 4 matchs, mais avec un point de bonus supplémentaire. Bordeaux-Bègles qui s'est qualifié en battant les Sharks à domicile 66-12 hier, donc qualifié nos deux clubs français dans cette poule. Ensuite on retrouvera La Rochelle qualifiée, en revanche malheureusement pour Clermont, et ben Clermont qui se qualifie aussi quatrième, c'est ça, donc qui se qualifie, donc les quatre premiers se qualifient, donc ça passe aussi donc pour La Rochelle et Clermont. Pour Castres, ça passe également pour cette française, c'était trop court, on l'avait dit, hein, la semaine dernière, qui en plus s'est incliné à nouveau, donc dernier n'ira pas plus loin. Et enfin Toulon qualifié, le Racing, ça n'est pas passé loin malheureusement pour le Racing, mais sa victoire hier, samedi plutôt, ça n'a pas suffi, puisqu'il manque pas grand chose, hein, le même nombre de points que le Queen's 4ème, mais ça se joue à différence de points. Il manquait pas grand chose, il aurait fallu évidemment faire mieux avant, parce qu'il y a eu le bonus offensif, ça n'a pas suffi, hein, il fallait prendre les points un petit peu plus tôt. Malheureusement pour les Racing, ça s'arrête. Donc Toulon recevra les Saracens en 8ème, donc ce sera le 5 avril, c'est 8ème de finale à partir du 5 avril, hein, le week-end du 5 et 6. La Rochelle recevra le Munster, Bordeaux-Bègles recevra Ulster, Toulouse recevra Sale, Castres recevra Trévise, et enfin Clermont sera le seul club français à l'extérieur qui sera à Northampton pour ses 8ème de finale. Donc de grosses chances de retrouver des clubs français en quart. Et on espère les 5 même pour aller chercher des quarts de finale avec beaucoup de clubs français, bien entendu. Pour le challenge européen, beaucoup de clubs français qualifiés aussi. Perpignan qui affrontera le Racing, Racing 92. Donc ses huitièmes de finale. Donc qui s'est éliminé de la Champions Cup, mais reversé en On challenge, donc rien n'est, tout n'est pas perdu pour eux. Donc, on retrouve donc Perpignan face au Racing, Lyon face aux Sharks qui s'est qualifié, Montpellier face à Gloucester, Bayonne face aux Bulls, et enfin Pau face à Basse. Donc voilà, là aussi beaucoup de clubs français qualifiés pour ces huitièmes de finale donc de la Challenge Cup, deuxième compétition européenne de rugby. Et puis cette semaine, au retour bien entendu du top 14, voilà, après ces deux semaines de trêve, samedi et dimanche, voilà, on retrouvera Bordeaux, Bègles, le leader, qui recevra Lyon samedi soir, et puis Toulon recevra La Rochelle dimanche soir, enfin Toulouse, le Dauphin, recevra Montpellier samedi après-midi. Voilà pour le top 14 cette semaine. Et enfin, le tennis, l'Open d'Australie. On connaît déjà quelques qualifiés pour les quarts de finale. On connaît même les quatre qualifiés pour les quarts de finale. Enfin, les quatre affiches. Yannick Sinner, donc, s'est qualifié. On va attendre Gloroun cette nuit en quatre manches. Il affrontera Alex de Minaur, lui qui s'est défait sans problème de Mickelson, pardon, en trois manches. Donc, qualifié Sinner de Minaur. On aura Ben Shelton, qui donc s'est qualifié aux dépens de Gaël Monfils, hein, on rappelle, qui était l'un des derniers Français en huitième avec Hugo Humbert, qui malheureusement a été trop juste physiquement. Gaël Monfils, après 3-7, 3 tie-break, hein, il était mené 2-1 avec 3 tie-break, il a abandonné au début du quatrième set, malheureusement trop juste physiquement, et donc c'est Ben Shelton qui se qualifie, qui affrontera Lorenzo Sonego, l'Italien. Lui qui est sorti qualifié en 4 manches. L'affiche qu'on attendait, bien sûr, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, elle aura lieu. L'Espagnol s'est qualifié après l'abandon de Jack Trupper, la Britannique, au début de la troisième manche. Et puis Novak Djokovic, lui, s'est qualifié sans problème aussi face au Tchèque, Leeka. Et donc, sera au rendez-vous de ses quarts de finale. Ce sera demain matin. Et enfin, Tommy Paul s'est qualifié, lui, en battant Davidovic en 3 manches sèches, 6-1, 6-1, 6-1, ça a été rapide. Et Hugo Humbert, malheureusement le français, dernier français avec Gaël Monfils, n'a rien pu faire face à Alexandre Zverev, si ce n'est qu'il a pris un set quand même. Le score 6-1, 2-6, 6-3, 6-2, donc voilà, il a quand même pris un set le français, mais ce sera trop juste. Donc Tommy Paul, Zverev, ce sera cette nuit. Et puis demain matin, aux alentours de 10h30, donc vous pouvez voir ce match, hein, puisque ce sera en début de matinée, Djokovic Alcaraz, vers 10h30 normalement, si tout va bien. Et puis la nuit suivante, on aura Sinner de Minaur, Shelton Sonego pour les deux autres quarts de finale. Voilà, donc en tout cas, bah, si vous pouvez demain matin, Djokovic Alcaraz à partir de 10h30, allez-y, hein, ça promet un grand match encore une fois. Et puis chez les dames, on retrouvera donc Sabalenka face à Pavluchenkova, Coco Gauff face à Badosa, l'Espagnol, Madison Keys, Svitolina, et puis la numéro 2 mondiale sera au rendez-vous aussi, Zientek face à Navarro. Voilà, ça ce sera également cette nuit et la nuit suivante. Voilà, donc très peu de surprises chez les garçons, enfin en tout cas pour l'instant on a bien Sinner, Zverev, Alcaraz, Djokovic. On a eu quelques surprises quand même juste plus tôt. On a perdu très tôt Stefanos Tsitsipas, voilà, qui a été battu assez rapidement. Voilà, qui n'a pas fait le poids. Medvedev aussi, battu assez rapidement. Voilà, quelques surprises, mais globalement, pour le moment, on a les têtes de série qui sont bien présentes. Et puis, bien sûr, Gaël Monfils, Hugo Humbert, qui ont fait des belles performances. Surtout Gaël Monfils, hein, à 38 ans, arrivé en 8e de finale d'un grand chelem, c'est déjà très beau. Alors non, physiquement, ça a été trop juste pour lui dans cette rencontre. Donc deuxième semaine qui démarre ce soir, cette nuit. Et puis on espère avoir deux beaux matchs encore avec ce Djokovic Alcaraz, ça c'est sûr, ce sera normalement qu'il arrive un beau match. Annecy qui a ouvert le score déjà sur la pelouse de 3, ça fait 1-0 avec un but de Demoncy qui a annoncé en Orléanais, qui ouvre la marque après 4 minutes de jeu. Et Yann Demoncy, et donc qui mène 1-0, Annecy qui mène 1-0 dans cette rencontre, début de rencontre face à 3. Et dans l'autre match, c'est aussi bougé très vite, c'est Combes qui a ouvert le score face à Udinese, 1-0 après 10 minutes de jeu. Voilà un match de, on va dire, milieu de tableau dans cette rencontre de Serie A. Et puis dans 2 minutes, on aura Chelsea Wolverhampton et Villarreal Mallorca. Voilà les deux rencontres qui vont démarrer dans quelques minutes. Le temps pour nous de marquer une pause et on va retrouver Hugo dans 2-3 minutes, hein, le temps que tout ça se mette en place et ensuite on attaque. Voilà, on attaquera cette page football. Voilà, plein de sujets. Hein, je vous l'ai dit, hein, déjà le gros tour d'Europe. Il y a eu des matchs un peu partout. On parlera des adversaires de nos clubs français, bien sûr, en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Hein, comment ils se sont comportés ce week-end. On parlera de City, bien entendu. On parlera du Real. Voilà. Et puis, on parlera de nos clubs français qui ont joué donc ce week-end. Voilà donc ce qui nous attend et les affiches de Ligue des Champions, bien sûr, qu'on va présenter, qu'on va vous proposer. Il y aura encore de belles affiches. Cette semaine. Allez, une pause, on se retrouve juste après, dans 2 minutes, donc le temps d'écouter ce titre qui démarre tout de suite, et on se retrouve juste après. Ça s'appelle Pastel, c'est Cabo Player, et on se retrouve juste après pour retrouver Hugo. À tout de suite. Retour 21h et 1 minute, on est presque à l'heure. C'était Cabo Player avec Pastel qui interprète ce titre, et on est de retour donc à 21h, je disais 1 minute, et il est l'heure de retrouver Hugo qui nous rejoint. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Comment il va celui-ci ce soir? Eh ben, il va très très bien. Nouvelle semaine qui commence avec un bon petit match devant mes yeux, Chelsea Wolverhampton. J'espère qu'il y aura un petit peu de but. Et ben voilà. C'est parti pour ce match en Angleterre et aussi en Espagne, Villarreal, Mallorca, que l'on suit également, l'Italie, la Ligue 2, voilà, 4 matchs ce soir en fil rouge. Et puis bien sûr tout notre programme qui nous attend, puisque en Europe il s'est passé plein de choses. On parlera de nos clubs français qui vont jouer cette semaine en Ligue des Champions, comment se comporter leur adversaire aussi, hein, comment ça s'est passé pour eux. Voilà ce qui nous attend, et puis toutes les affiches de Ligue des Champions, on en parlera aussi également en fin d'émission, ce qui nous attend. Toute la semaine, il va y avoir du beau football, on l'espère. Notre tour d'Europe, bien sûr, que l'on démarre tout de suite avec l'Allemagne, pour commencer. L'Allemagne et cette journée de Bundesliga, qui nous a donné pas mal de belles rencontres également. Donc en Allemagne, c'était la 18e journée, ça a démarré vendredi. Un match qu'on avait, bien sûr, évoqué, ce Francfort-Dortmund, hein, de par... les classements des deux clubs, hein, Dortmund qui a un petit peu moins bien, c'est vrai, mais qui pouvait avec ce match peut-être se refaire. Et bah non, Francfort qui a été meilleur, hein, la logique a été respectée, victoire 2-0, et Dortmund qui continue de dégringoler en fait. Hein. C'est ça, troisième défaite de suite, hein, pour Dortmund en championnat. Donc c'est sûr que là ils sont vraiment dans une très très mauvaise passe, et Et c'est vrai que sur ce match-là, ils ont nettement été inférieurs à Francfort, tout simplement. Alors même si Dortmund a aussi eu quelques occasions, mais quasiment, il y a quasiment autant de tirs côté Dortmund que côté Francfort. Mais c'est vrai que Dortmund a quand même eu des occasions beaucoup moins franches et beaucoup moins nettes par rapport à l'Eintracht. Et c'est ce qui fait que ce score est logique. On a un but d'Ekitike aussi côté Francfort. Ekitike qui est aussi dans une bonne passe. Avec son équipe qui marque un nouveau but, donc c'est une bonne chose évidemment pour lui, mais c'est sûr que pour revenir à Dortmund, c'est vrai que là c'est vraiment une passe compliquée et on n'a pas trop l'impression que c'est enclin à revenir dans le positif, on va dire ça comme ça. C'est vrai que sur ce match-là, c'était très très dur. Francfort a vraiment fait un très très bon match. C'était dur pour Dortmund dans tous les compartiments du jeu. Et ouais, comme je l'ai dit, même en attaque, ça a été évidemment muet, mais il n'y a pas eu vraiment de franche occasion. Il y en a peut-être une ou deux quand même où Dortmund aurait pu marquer un but, mais ils n'ont pas été assez cliniques dans le dernier geste. Il y a eu même un peu d'énervement en seconde période, avec Guirassy notamment qui prend un carton jaune aussi, qui s'énerve un petit peu contre la défense de Francfort. Voilà, c'est une très mauvaise passe pour Dortmund qui du coup est dixième. Ça va vraiment pas bien du tout en ce moment. Et c'est vrai que voir Dortmund à la dixième place, ça fait longtemps, je pense, qu'on n'a pas vu ça. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas les voir jouer encore le premier rôle en Bundesliga. Mais voilà, on va dire que c'est Francfort qui prend leur place cette année, cette saison, d'outsider, on va dire, aux côtés du Bayern et de Leverkusen, quoi. Donc, mais c'est vrai que Dortmund, là, c'est vraiment une période vraiment compliquée. Alors peut-être la Ligue des Champions va leur faire du bien. Ils sont 9e Ligue des Champions, donc ils sont plutôt bien placés. Ils peuvent essayer de se qualifier même directement dans les 8 premiers, puisque là ils vont jouer Bologne du coup demain, et ensuite ce sera Donetsk. Donc voilà, il y a de grandes chances de qualification. Mais c'est vrai que championnat c'est pas la bonne période. Mais peut-être que cette Ligue des Champions va les relancer. Hein. On va voir ça demain. Bah peut-être, en tout cas on verra ça demain bien sûr à Bologne, mais c'est sûr que on va en parler après de la prochaine journée de championnat. Mais c'est un match contre le Werder Bremen qui est juste devant eux au classement avec un petit point en plus, donc ça va commencer par là, un potentiel renouveau comme tu l'as dit après la Coupe d'Europe, mais ça va déjà être un match capital ce week-end aussi pour eux, donc il va falloir se remettre dans le bon sens. Espérons effectivement que la Coupe d'Europe puisse leur faire un petit peu de bien, tout en évidemment ils vont pas négliger la Coupe d'Europe, donc je pense pas qu'ils vont faire tourner. Donc il y aura aussi quand même un petit peu de fatigue, je pense, ce week-end en championnat. Mais effectivement, il va falloir se remettre sur les bons rails en championnat, parce que là, ça devient très compliqué, comme je l'ai dit. Mais 25 points, ils sont à 11 points du podium, donc on a envie de dire que le podium c'est déjà presque terminé. Ça va être extrêmement compliqué. Mais au moins essayer d'arracher la 4e place, voire la 5e place, pour quand même aller arracher une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça, je pense qu'ils en sont évidemment capables. Et après tout, on est encore qu'à la mi-saison, mais c'est vrai que pour l'instant, là, va vraiment falloir réagir assez vite, parce que y en a d'autres qui prennent des points dans ce championnat-là, et Dortmund, c'est pas le cas pour l'instant. Donc effectivement, peut-être que ce match contre Bologne, va peut-être faire du bien. On leur souhaite. Le Bayern, c'est tout l'inverse, qui va très bien, qui a de nouveau gagné ce week-end face à Wolfsburg. Qui est pas plus un mauvais club, qui est 7e, donc plutôt dans le coup pour les Coupes d'Europe. Et Bayern qui a quand même dû s'employer, parce que Wolfsburg a marqué deux fois, victoire 3-2, mais globalement le Bayern a été au-dessus quand même. Ouais, bien sûr, très au-dessus, ils ont vraiment dominé ce match, mais c'est pas la première fois qu'on le dit cette saison, c'est que le Bayern certes est toujours très dangereux offensivement, mais n'est pas assez décisif dans le dernier geste, et ça fait qu'il ne marque entre guillemets que 3 buts. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a quand même 25 tirs derrière aussi. Puis nous avons eu un montant de toucher par Leroy Sané, qui d'ailleurs est pareil, un joueur assez maladroit aussi parfois dans le dernier geste, même si il est aussi peu capable de folie et de très beaux gestes également, même des fois dans le dernier geste. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est pas toujours en réussite des fois dans le dernier geste, mais c'est pas le seul non plus. Coman a eu un gros loupé également de son côté après le troisième but bavarois, il me semble. Olise en a loupé aussi. Donc il y a des très beaux joueurs dans cette équipe du Bayern, et c'est bien pour ça qu'ils gagnent évidemment, et qu'ils sont premiers, et qu'ils restent la meilleure équipe évidemment allemande. Mais c'est vrai qu'il manque toujours En tout cas, cette saison, il manque vraiment un petit truc pour qu'ils soient encore plus cliniques et qui nous réhabituent à des gros scores comme ils ont l'habitude de nous en faire 3, 4, 5 fois dans la saison depuis chaque année. Mais c'est vrai que cette saison, il y a moins ces gros scores. Ouais. C'est peut-être arrivé quand même, mais voilà, ce match-là, il est fini bien et c'est pour ça qu'il s'impose qu'avec entre guillemets un but d'écart encore une fois contre Wolfsburg. C'est vraiment ce manque d'efficacité-là dans le dernier geste. Mais ça reste une victoire importante sur un match surdominé, bien évidemment, même si Amoura, l'attaquant algérien, qui n'est pas de Dijon, par ailleurs, petite vanne, l'attaquant algérien de Wolfsburg, a marqué un doublé. Il a fait un très bon match aussi de son côté. Mais donc Wolfsburg, a sur les quelques occasions, pour le coup qu'ils ont eu, ils ont quand même été très efficaces. D'ailleurs, et la défense sur les deux buts bavaroises n'est pas en reste non plus, parce que c'est vrai que notamment sur le deuxième but, ils sont tous un peu passifs, hein, même au milieu de terrain, Goretzka ou Pamecano est passif. Donc, voilà, il y a aussi un petit peu de fragilité, je trouve, dans cette défense, en tout cas dans l'aspect défensif du Bayern. Et c'est vrai que ça va, que c'est un, entre guillemets, que Wolfsburg, avec tout le respect que je leur dois devant, enfin en face, je veux dire, mais voilà, ça reste évidemment un très bon match du Bayern quand même, qui s'impose et qui prend 4 points d'avance sur Leverkusen au classement, et c'est une bonne chose pour eux, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'attaquant de Valence, c'est Amoura. Je crois qu'on n'a pas bien compris la vanne, mais le jeu de mots. Oui, voilà, oui. Je ne sais pas si je l'avais bien prononcé. Oui, Amoura, voilà, exactement. Voilà. Pas de Dijon, donc. Pour la moutarde, voilà, bien entendu. Pour la moutarde, bien sûr. J'aurais compris. on peut citer aussi Heinz ou Kuhn pour les autres. Très bien. Et puis donc on avait du coup Leverkusen qui jouait après, qui devait gagner, hein, pour ne pas rester distancé un peu plus. Bah, ils ont fait le job, hein, Leverkusen globalement aussi au-dessus dans cette rencontre face à Mönchengladbach. Victoire 3-1. Enfin voilà, le dernier but d'ailleurs était marqué dans le temps additionnel pour Mönchengladbach. Donc encore bien en jambes avec un doublé de Wirtz, un but de Schick qui est toujours là bien sûr pour marquer. Donc Leverkusen qui a fait le boulot et qui reste du coup à 4 points. Ah ouais, Leverkusen fait un bon match, ils enchaînent bien aussi, c'est vrai que là ils sont sur une très bonne dynamique. Florian Wirtz a été, tu l'as dit, il a marqué un doublé, il a vraiment été très très bon sur ce match-là, il a été dans tous les bons coups, je crois que c'est lui le passeur décisif sur le but de Schick, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Donc, il a vraiment fait encore un très gros match, Wirtz. Puis voilà, j'ai envie de dire, quand Wirtz est bon, forcément Leverkusen est très bon et gagne. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment fait le job face à Gladbach, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ils auraient pu peut-être en marquer un but en plus, Gladbach, mais face à ces Leverkusen-là, c'est assez compliqué quand ils sont dans une forme comme ça. Et c'est vrai que voilà, ils ont fait un très gros match, les hommes de Xabi Alonso. On les retrouve vraiment à un très haut niveau, comme ils nous avaient bien habitués la saison dernière, bien sûr. Voilà, ils sont toujours à 4 points du Bayern, ils lâchent rien. Surtout que le Bayern, on le sait, des fois perd un peu de points. Donc si ce Leverkusen là ne faiblit pas, attention encore une fois à cette équipe cette année. En tout cas, ouais, sur ce match-là, ils ont fait le job et c'est vraiment une bonne chose pour eux avant la Ligue des Champions cette semaine. Je sais pas si c'est demain ou mercredi, mais je joue l'Atlético, hein. L'Atlético, ouais. Gros match. Il a perdu ce week-end. On en parlera, ouais. Qui joue demain. Donc face à l'Atlético. Ouais. Donc là, ouais, il y a un vrai match demain qui les attend. Donc voilà, ils ont une belle semaine qui les attend. Voilà donc pour ces résultats. Deux résultats, Stuttgart qui a gagné aussi pour les équipes de tête face à Fribourg 4-0, voilà, sans trop de difficultés. Mauvais résultat en France pour Leipzig, battu à Bochum, match nul à Bochum, 3-3, ouais, face à la Lanterne Rouge. Hein, donc c'est vraiment mauvais résultat pour Leipzig, qui du coup se fait passer par Stuttgart devant, qui perd la quatrième place. C'est dommage, ce match nul de Leipzig qui laisse filer deux points importants là dans cette course à l'Europe. Voilà, et qui joueront, ces deux-là aussi qui joueront cette semaine, hein, Leipzig et donc Stuttgart qui joueront cette semaine également en Ligue des Champions. Le classement, donc le Bayern reste leader à 45 points devant Leverkusen 41 points. Francfort 3e 36 points, ça n'a pas bougé pour ce top 3. Stuttgart, donc on l'a dit, passe 4e devant Leipzig, du coup qui descend 5e avec un point de retard. Mayence, voilà, derrière, on l'a dit, Dortmund est seulement 10e 25 points. Et en bas, toujours Heidenheim, Kiel, et donc Bochum reste l'antenne rouge malgré son match nul. Un coup d'œil sur ce qui nous attend sur la 19e journée de cette Bundesliga. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir cocher sur cette journée? mine de rien, au classement, c'est peut-être pas énorme, mais comme je le dis, Dortmund-Brême, parce que c'est le 10e contre le 9e, et puis voilà, Dortmund qui est vraiment pas dans une bonne passe, il va falloir vraiment qu'ils s'en mettent à l'endroit, comme je l'ai dit. Il y a un petit Leipzig-Leverkusen. Ça, c'est samedi après-midi, ouais. Bien sûr. Ça, c'est pas mal du tout, ouais. Donc ça, c'est une belle affiche, même si Leipzig est beaucoup moins bien que Leverkusen cette saison, bien sûr, mais ça peut réserver de belles surprises à un beau petit match avec peut-être des buts de part et d'autre. Et puis voilà, bon, il y a Fribourg-Bayern, bon, c'est le 8e contre évidemment le 1er. Peut-être un petit Mayence-Stuttgart aussi, hein, 6e contre le 4e. Alors c'est pas une affiche qui fait rêver sur le papier, mais en tout cas pour les places européennes, c'est un match important aussi pour les deux équipes. Mayence-Stuttgart, donc voilà. Mais bon, globalement, surtout Leipzig-Leverkusen, c'est la belle affiche du week-end. Tous les matchs sont lus à la même heure, donc que t'as cité, donc ouais, s'il faut en retenir un, c'est peut-être celui-là, ouais. Ils sont tous à la même heure. C'est tous samedi à 15h30, ouais, les quatre que tu as cités, Leipzig, Leverkusen, Mayence, Stuttgart, Bayern et puis Dortmund, tous jouent en même temps. Donc, c'est ouf qu'ils mettent ça en même temps, ces gros clubs-là. Les droits télé, tu vois, tout ça. C'est pas une très bonne idée, mais bon, voilà, c'est ce qui a été décidé. Donc peut-être s'il faut retenir un, c'est celui-là qu'on a cité. Voilà pour la Bundesliga, voilà pour l'Allemagne. On poursuit avec l'Italie. Alors, bien sûr, tu nous viens informer si ça bouge pour l'Angleterre. Ouais. Hein. Chelsea qui joue 0-0, 13e minute là. Ouais. Chelsea qui joue gros ce soir et qui doit gagner pour repasser devant City et essayer de rattraper un petit peu le podium. On a aussi donc Villarreal-Bayern qui a démarré à 21h. Il n'y a pas eu de but et Annecy mène toujours 1-0 en Ligue 2 face à 3. Et on a la demi-heure de jeu. Et en Italie, Côme mène toujours 1-0 également face à Udinese. L'Italie, où on va justement tout de suite pour la 21e journée. Avec la Juve hein, qui joue face au Milan. Cette revanche qu'on attendait après la défaite en Supercoupe d'Italie. Et la Juve qui a pris sa revanche enfin. Et qui se remet à gagner. Hein, parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu. Il y avait une série un petit peu négative. 4 matchs en victoire avec 3 nuls. Toutes compétitions confondues, que ça faisait beaucoup, et la Juve qui se remet un petit peu mieux et qui gagne 2-0, en plus qui fait un clean sheet, donc un bon match peut-être référence pour la suite. Ah, on a peut-être perdu Hugo, je pense. Oui, on a perdu Hugo. Bon, on va revenir, on va retrouver Hugo tout de suite. Hein, petits aléas du direct qui arrivent. On va retrouver Hugo tout de suite pour poursuivre cette évidemment cette émission. Donc on retrouve Hugo et on se retrouve. On va même rester en direct avec vous pour retrouver Hugo. Le temps de faire un petit peu de technique et on retrouve Hugo pour la suite de cette émission. Est-ce qu'on a retrouvé Hugo? Allô allô. Est-ce que Hugo est avec nous? Ah non, c'est pas Hugo. Bon, on va peut-être marquer une toute petite pause le temps de retrouver Hugo, parce que visiblement c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu pour le retrouver. Et sinon, ouais, on va marquer une pause pour revenir juste après. Si Hugo nous entend, qui se tienne prêt pour la suite de l'émission avec l'Italie donc, avec l'Espagne bien entendu. Et avec, bien sûr, également l'Angleterre, juste après. Je crois qu'on a récupéré Hugo quand même. Est-ce que Hugo est là? Je suis là. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, magnifique. On s'est récupéré, parfait. Décidément, c'est toutes les semaines, cette problème technique-là. Ah ouais, c'est ça se répète. C'est pratique, ouais. Je disais, donc, je ne sais pas où tu t'es arrêté, mais... J'ai pas eu le temps de parler de la Juve, du coup, Juve-Milan. Ouais, la Juve-Milan, donc la Juve qui va mieux et je disais peut-être un match référence pour la suite. On espère pour eux. Après, c'est vrai que c'est toujours évidemment un gros choc évidemment sur le papier du championnat ce Juve Milan. Après, on fait face à une équipe de Milan qui est quand même très mal classée cette saison, qui est 8e, qui pratique pas un énorme football, qui est presque pas malade, mais bon voilà, qui franchement est très en deçà de ses prestations habituelles, on va dire, ou en tout cas de ce qu'il devrait proposer. Et c'est vrai que c'est une Juve taille patron qu'on a retrouvé dans ce match-là, avec deux buts presque coup sur coup à l'heure de jeu à peu près de Bangoula et de Timothy Weah. Et c'est vrai qu'on a vu une belle Juve qui a vraiment dominé les débats dans ce match, entreprenante aussi. Il y a quand même des occasions de part et d'autre, mais c'est vrai que la Juve a été vraiment beaucoup plus efficace et entreprenante que les Rossoneri. Et c'est vrai que c'est vraiment un très bon résultat pour la Juve aussi. Ils en avaient besoin parce que là, ils enchaînaient, comme on le disait encore la semaine dernière, ils enchaînaient évidemment les matchs nuls. Donc ils avaient vraiment besoin de ces trois points-là contre une équipe comme ça. Ça fait quand même toujours du bien aussi, même si, comme je l'ai dit, c'est un Milan entre guillemets amoindri. Qu'on a cette saison, c'est toujours, je pense, une victoire dans les têtes qui fait du bien et qui marque parce que voilà, c'est le grand Milan, enfin le grand Milan, c'est le Milan AC qui est en face, donc c'est toujours une victoire, je pense, importante. Voilà, en espérant que ça enchaîne sur une bonne dynamique pour la vieille dame, parce qu'effectivement, si c'est pour retomber un petit peu dans les travers dès le week-end prochain pour refaire un match nul ou proposer un match voilà un petit peu terne et marquer un but comme ça, voilà, c'est en espérant que ouais effectivement ça enclenche quelque chose de meilleur et de mieux pour cette Juve qui pourrait proposer un meilleur foot. Après, comme je l'ai dit, je sais pas si en tout cas cette saison cette équipe de Thiago Motta peut proposer beaucoup plus que ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à présent. C'est pour ça que je suis pas non plus, encore une fois, même sur ce match là extrêmement emballé et serein pour la suite de la Juve. Alors il reste invaincu, cinquième évidemment, mais je veux dire pour les voir enchaîner les victoires, je suis pas encore convaincu à 100%, à voir ce que ça va donner aussi, comme tu l'as dit, dans les prochains matchs, voir si ça entraîne une nouvelle dynamique. On leur souhaite, mais moi je suis pas convaincu du tout encore par cette équipe-là et par ce jeu aussi proposé, mine de rien, par Thiago Motta et cet effectif. Alors il va y avoir un vrai test en plus de ce week-end, c'est face à Naples. Hein. Ouais. Donc on va voir vraiment si ça a bien pris, on va le voir, et puis demain face à Bruges, normalement à sa portée pour la Ligue des Champions. Donc la Juve, voilà, qui calendrier, voilà, qui on avait dit qu'il était assez énorme, hein. Bergame, Milan et Naples d'affilée. Pour l'instant, il y a une victoire, un nul. On verra donc ce week-end ce que ça donne face au Napoli. Le Napoli, justement, bah, on l'avait bien sûr coché ce match-là, hein, face à Bergame, ouais. Qui se déplaçait à Bergame. Victoire 3-2, donc qu'on enchaîne encore une nouvelle victoire. Sixième victoire donc consécutive, et en plus face à Bergame, qui permet en plus de reléguer Bergame à 7 points, ce qui est énorme. Ouais, victoire très importante bien sûr dans ce que du Napoli, tu l'as dit, sixième victoire d'affilée. Pourtant ça n'avait pas très bien commencé pour eux, parce que c'est vrai que l'Atalanta avait commencé assez fort. Ils ont marqué juste après le premier quart d'heure de jeu grâce à un superbe but du meilleur buteur du championnat, Retegui. Et puis ouais, on va dire quasiment jusqu'à la demi-heure de jeu. Enfin voilà, Politano pour Naples a égalisé à la 27e. Et puis c'est vrai qu'après ils sont un peu effacés, l'Atalanta, et ce qui a permis à McTominay à la 40e de donner l'avantage au Napoli. Et après voilà, Naples a plutôt géré, même si l'Atalanta a encore eu quelques situations en seconde période, notamment en réduisant le score, en égalisant même, je veux dire, à la 55e par Lookman. D'ailleurs, il y a eu quasiment que des beaux buts, hein, dans ce match-là. Les lunettes ont pris cher dans le but, dans les cages. Voilà, Lukaku a scellé la victoire à la 79e pour Naples, ce qui me semble quand même logique, parce que Naples a quand même globalement, dans l'ensemble de ce match, de la physionomie, quand même dominé ce match, plus que l'Atalanta. L'Atalanta, même s'ils ont fait, voilà, comme j'ai dit, une très bonne entame de match pendant presque une demi-heure, après ils sont un peu trop relâchés, ça a été un petit peu trop timide, ils ont vraiment relâché la pression, et c'est dommage parce que ça aurait pu être encore un match plus spectaculaire que ça si l'Atalanta avait pu faire un match plein. Voilà, en tout cas c'est une très belle victoire bien sûr, tu l'as dit, du Napoli qui l'est même maintenant à 7 points d'avance par rapport à l'Atalanta qui est 3ème. Donc c'est sûr que c'est une victoire très importante pour Naples, tu l'as dit, 6ème victoire d'affilée, et l'Atalanta c'est 4ème match d'affilée c'est beaucoup. À l'inverse, voilà, c'est un petit peu les deux opposés, quoi. Même si c'est vrai que dans les chiffres, c'est Bergame plutôt qui était devant, hein, si on regarde les tirs et la possession, mais bon, c'est Naples qui a été plus efficace en tout cas et qui prend le large en tête. Et enfin, l'Inter hier qui recevait Empoli pour finir la journée, même s'il y a encore ce match de ce soir, mais en tout cas dans le week-end, qui a toujours un match de retard d'ailleurs, mais qui recevait Empoli avec une victoire 3-1, et du coup qui reste voilà accroché à ces trois petits points avec toujours un match de retard. Donc l'Inter qui suit la grosse cadence de Naples. C'est ça, ouais, match maîtrisé, voilà, de façon normale et d'une main de maître, en tout cas par l'Inter face à cette équipe d'Empoli qui est engouffrée à la 15e place et qui est à seulement un point de la première place, enfin de la première zone, de la première place relégable. Mais ouais, l'Inter qui a fait son match. Il y a un but de Thuram marqué en fin de match aussi qui peut lui faire du bien. Voilà, but de Martinez de Dumfries. L'Inter a fait le job et effectivement il reste collé à ce Napoli là, à 3 points de Naples, avec toujours ce match de retard par rapport à eux. Donc oui, c'était une victoire importante, somme toute logique, déjà sur le papier, mais encore plus de par la physionomie du match. Ouais, match plein de l'Inter, malgré ce but encaissé en fin de match par Esposito. Voilà, mais c'est une victoire très logique de l'Inter de Milan et ouais, qui était quand même importante, je l'ai dit, pour rester collé à Naples. Ah, il y avait juste aussi, il y avait des matchs au début de semaine, on n'a pas parlé, mais il y avait des matchs de retard, hein, notamment la Juve, on n'a pas parlé, mais qui jouait face à Bergame, qui avait fait un partout hein, en match de retard. Ouais. Donc c'était pas un mauvais résultat finalement, si on vraiment regarde le classement de Bergame, même si c'est vrai que la Juve enchaînait encore un nul, et le Milan AC qui avait battu Côme assez logiquement d'ailleurs 2-1. Donc voilà, c'était des matchs de retard qui se déroulaient en début de semaine. Et donc là on est revenu pratiquement à un championnat à jour, sauf pour l'Inter hein, qui a toujours un match de retard. Il y a encore le Milan AC aussi qui a encore un match de retard. C'est vrai qu'il y a Encore quelques équipes hein, qui ont des matchs de retard. Hein. Enfin, un match en retard. Ouais, alors c'est vrai que pour les hauts tableaux, ça concerne surtout l'Inter. Bologne et Fiorentina qui sont un petit peu en dessous et Milan aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est une saison où il y a pas mal de matchs de retard et d'ailleurs des matchs qui n'ont toujours pas été recalés. Hein, parce que c'est vrai qu'avec toutes les compétitions européennes, les Coupes d'Italie, bah, ça permet pas de. Pour le moment, de trouver des dates, donc voilà, pour l'instant on reste sur un championnat qui est un petit peu tronqué quand même sur les classements. Juste pour terminer avec l'Italie, deux autres résultats, la AS Rome qui se relance peut-être un peu avec cette victoire face au Genoa 3-1 et qui revient 9e, et enfin la Lazio qui a battu Vérone 3-0 très logiquement et qui revient qui reste quatrième, donc c'est pareil pour la Ligue des Champions, ils ont tenu aussi le rythme des autres et ils restent quatrième, donc pas de chamboulement dans le top 6 hein. Naples 50 points, l'Inter 47 points, Bergame 43 points, la Lazio 39, la Juve 37 et la Fiorentina 33. Ensuite on a le Milan 8e 31, l'AS Rome 9e 27 et en bas on l'a dit, donc Vérone, Venise et Monza qui est un petit peu en retrait quand même. T'es encore avec nous, hein, Hugo? Encore avec vous, ouais. Des fois, quand je t'entends plus, je sais plus si t'es encore là. du coup, un petit coup d'œil sur ce qui nous attend, ce week-end en Serie A. Donc, ce sera la 22e journée. Alors, évidemment, on va pas passer à côté de samedi de Naples-Juve. Évidemment. Évidemment. Ouais. Ça, c'est sûr, Naples-Juve. Est-ce qu'on peut cocher aussi un Lazio Fiorentina peut-être aussi, ouais. Lazio 4e, Fiorentina 6e, on peut cocher ça. Après pour moi c'est les deux, surtout, ouais, les deux affiches. Ah, ouverture du score de Chelsea. Ah, je lève le nez, 25e minute grâce à un but. Chelsea qui avait remarqué encore quelques secondes, mais il y avait eu hors-jeu. Mais il y a peut-être hors-jeu aussi sur ce but là. Alors c'était sur un corner, il y a une frappe de Rhys James à l'extérieur de surface et alors c'est qui, c'est Tosin qui la reprend juste devant le but, mais je pense qu'il est hors jeu. Je pense que le but va être annulé pour Chelsea. On va voir ça à la VAR. Hein. Du coup, enfin l'arbitre, les arbitres dans le quart de la VAR vont voir ça. Mais je pense qu'il y a hors jeu sur cette frappe de Tosin hein, qui est quand même juste devant le gardien sur ce corner de Chelsea. Bon bah tu nous. Ouais, je vous tiens au courant pour la suite. Ouais. Ouais. Et donc voilà pour ces matchs du week-end, donc Naples-Juve c'est samedi à 18h et puis du coup le Lazio-Fiorentina c'est dimanche soir à 20h45, voilà les deux matchs qui ne seront pas en même temps, et lundi prochain on aura Genoa-Monza, voilà comme match de la soirée. Donc non, le but est bien validé, ah, hein. Pas de hors-jeu pour Tosin Azarabioyo, ça fait 1-0 donc pour Chelsea à la 26e minute, et ben voilà, ça lance le match pour Chelsea qui mène 1-0. On attaque l'Espagne désormais avec les. Alors juste un petit peu en amont de du championnat, on avait la Coupe du Roi aussi. Cette semaine, c'est vrai qu'il y avait un petit peu, il y avait eu pas mal de compétitions en même temps. C'est vrai que en France aussi, il y a la Coupe de France, on en parlera également. Hein. Cette Coupe de France, ouais, bah bien sûr, qui avait lieu. Il s'est passé des choses en Coupe de France. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc on va en parler juste après, tout à l'heure. Ouais. Mais en Espagne aussi, on a joué cette coupe. Alors c'est pas le cas en Allemagne et en Italie, on est un petit peu en avance, mais en Espagne, on a bien joué la coupe et les huitièmes de finale. Donc on va pas donner le détail, mais dans les grandes lignes, on a les qualifiés. Assez logique pour le Barça qui a battu Séville 5-1, qui se qualifie logiquement. L'Atlético aussi qui a battu Elche 4-0, très logiquement. Et on a le Real qui a battu Celta Vigo, compliqué, qui a dû attendre les prolongations pour marquer 3 buts supplémentaires et gagner 5-2. Ils sont fait un peu peur, hein, le Real, mais derrière. C'est un match un peu bizarre, hein. Ouais. En toute fin de match, ils se font reprendre, et puis en prolongation, ils ont repris le dessus, mais ouais, c'est un match assez bizarre. Ouais. Et on a avec un but de Mbappé aussi, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, parce qu'il a marqué à nouveau hier, ce week-end, mais en tout cas, qui avait marqué aussi cette rencontre. Et on a les quarts de finale, donc on n'aura aucun des trois gros qui se rencontrent. On aura Real Sociedad Osasuna, Atlético Madrid Retafe, Valence Barça et Leganés Real. Donc on aura peut-être un gros choc en demi si les trois passent. Enfin, on aura forcément un gros choc en demi si les trois arrivent à passer. Donc on verra ça. Les quarts de finale, ce sera le 5 février. 4 et 5 en même temps d'ailleurs que l'Allemagne ou que l'Italie, hein, tout le monde va jouer cette semaine là en coupe nationale. Revenons donc en championnat avec la 20e journée. Ça a démarré samedi en tout cas pour les cadors avec l'Atlético qui se déplaçait à Leganés. C'est un des mal classés pour poursuivre la série et fin de série pour l'Atlético. C'est une mal classée, c'est vraiment un mauvais résultat évidemment pour le comptablement parlant, et puis face à un mal classé, il fallait bien que ça s'arrête un jour. C'est vraiment pas le bon moment là. C'était pas le bon moment avant la reprise de la Coupe d'Europe avec cette petite série. Bon, c'était pour la petite histoire aussi. C'est sûr que c'était toujours sympa de prolonger cette série là et pourquoi pas d'aller chercher un record. En tout cas, le record personnel avait été battu la semaine dernière. Mais victoire surprise pour les Ganes. J'ai même envie de parler de petit hold-up hein, quand même pour eux, parce que l'Atlético a quand même vraiment surdominé ce match. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont touché même en première période trois montants. Alvarez en premier. Ensuite, il y a Griezmann qui en touche un et c'est Gallagher qui touche le troisième montant en première période déjà. Et puis aussi en deuxième période, il y a un pénalty raté de Griezmann également, qui n'était pas vraiment dans un bon jour samedi, notre Grisou. Et ça fait que Leganés remporte ce match grâce à un petit but de Nastasic à la 49e minute après la pause. Et l'Atlético qui a joué de malchance, ils ont manqué de justesse technique encore une fois dans le dernier geste, malgré toutes les occasions qu'ils ont eues. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas non plus inquiet. C'est pas une fin, c'est forcément une fin de série pour eux de 15 victoires d'affilée. Mais ils ont quand même fait en soi leur match. Ils ont vraiment dominé. Ils ont eu les occasions. Ça arrive sur un match. Ça arrive parfois que rien ne réussit, que rien ne va, et que tu perds de ce match sur 1-0 face à une équipe très mal classée, bien sûr. Ça arrive des fois dans une saison. C'est le foot, c'est comme ça. Mais effectivement, là, rien n'allait dans le sens de l'Atlético samedi. Donc il y a évidemment zéro catastrophe, mais ils ont vraiment plus joué de malchance pour moi qu'autre chose. Mais c'est sûr que sur le plan comptable, comme tu l'as dit au classement, c'était le match à ne pas perdre, on va dire, puisque on va en parler après, mais le Barça n'a pas réussi à remporter 3 points. Alors le Real a gagné dans son sens, mais c'est vrai que l'Atlético perd des points, perd 3 points ce week-end, a perdu 3 points ce week-end. Juste en aparté, plus que un but, 4 buts en Espagne, 4-0 pour le Villarreal. Alors, il y avait 0-0 il y a 10 minutes, il y a 4-0. Il y a eu 4 buts en l'espace de 8 minutes avec 4 buteurs différents. Là, c'est le scénario qui est incroyable et qui peut déjà plier le match après une demi-heure. Donc Villarreal 4-0. Donc c'est incroyable ce qui se passe en Espagne dans un match de haut de tableau en plus. Hein, c'est pas tu joues pas le dernier là. Donc c'est clair. Et puis surtout que quand tu vois 4 buts marqués un peu coup sur coup, tu te dis qu'il y avait un carton rouge ou quoi. Ouais, c'est vraiment un fait de match, ouais. Match, mais même pas quoi. Ah, ouais, un fait de jeu, mais même pas quoi. Ouais. Donc voilà, on va suivre la suite, mais en tout cas, pour l'instant, le Reda qui vient de taper très fort. Généralement, ce match-là, c'est il y a 4-0 d'un coup et puis après, il se passe plus rien. T'sais. Oui, ça peut s'arrêter, ça peut être très loin après. Pas de but ailleurs, Annecy mène toujours 1-0, c'est quasiment la mi-temps. En Espagne, on l'a dit 4-0. En Angleterre, tu nous tiens informé évidemment. Et en Italie, toujours 1-0. Là aussi, ça va être la pause dans petites secondes. Bien sûr, tu disais le Barça qui pouvait en profiter après cette défaite de l'Atlético pour reprendre c'est un peu de retard qu'il avait. Bah, il en a repris un point, mais pas 3, puisqu'il y a eu match nul face à Getafe. Et c'est dommage, ouais, ce nul qui ne leur permet pas de reprendre son retard. C'est ça. Ce match du Barça, c'est presque un peu à l'image du match de l'Atlético, sauf que voilà, le Barça accroche le nul. Mais ils ont surdominé ce match, comme ils en ont relativement l'habitude cette saison. Mais effectivement, ils ont pas été non plus très dangereux pour. L'Atlético avait été très dangereux sur plein d'occasions, effectivement, dans leur match. Le Barça a moins, il n'y a vraiment pas eu énormément, même s'il y a eu beaucoup de frappes tentées, il n'y a pas eu tant d'occasions nettes et dangereuses de leur part. Il y a eu ce but de Koundé rapidement en début de match à la 9e minute, qui était bien placé comme un numéro 9 dans la surface et qui arrive à un peu dans la confusion avec le gardien, mais à pousser le ballon dans les buts. Puis il y a eu cette égalisation de Getafe par Arambari après la demi-heure de jeu. Et après, le Barça a continué à pousser, à pousser, à pousser, mais il n'y a pas eu vraiment cette mèche qui s'est rallumée. Il n'y a pas eu de franche occasion, comme je l'ai dit, vraiment par la suite. Parce que on parle quand même de 78% de possession pour le Barça, on parle quand même de 21 tirs à 10. Et sur 21 tirs, il y a eu que 5 tirs cadrés. Et voilà, c'est vraiment ce manque aussi d'efficacité qu'il y a eu sur ce match-là pour le Barça. Voilà, c'est sûr qu'il gâche une belle occasion face à cette équipe de Getafe qui est mal classée aussi, hein, juste derrière Leganés qui jouait contre l'Atlético. Et ils perdent encore des points le Barça en championnat. C'est dommage pour eux parce que c'est vrai que c'est l'équipe presque avec qui on prend le plus de plaisir en Espagne. Quoique le Real Madrid redevient pas trop mal à voir jouer aussi, mais c'est vrai que c'est plus avec le Barça qu'on se régale chaque week-end. Mais là, sur ce match-là, ça n'a pas pris non plus. Donc le Barça reste troisième. De toute façon, il serait resté troisième quoi qu'il arrive. Mais attention, parce que Bilbao n'est pas loin, avec égalité de points. Donc attention pour la suite. Et enfin, donc le Real qui peut en profiter de ces mauvais résultats de ces deux poursuivants. Ils en ont bien profité avec une victoire 4-1 face à Las Palmas. Aussi bas de tableau. Pourtant, ça démarrait mal hein, pour le Real, qui a été surpris d'entrée avec un but dans la première minute. Mais derrière, récital hein, du Real, encore une fois. C'est ça, avec un très grand Kylian Mbappé. Il a fait vraiment un énorme match. Ça y est, on a l'impression qu'on le retrouve encore une fois peu à peu. C'est vrai que là, de semaine en semaine, il est à chaque fois il produit de meilleures prestations de semaine en semaine. Donc c'est une très bonne chose, franchement, de le revoir à un très haut niveau. Il a marqué un doublé. Il a failli marquer un triplé s'il avait pas été hors jeu. Alors c'est vraiment en plus au départ de l'action, ouais. il remet un ballon en retrait où il est hors jeu, puis ensuite l'action se déroule et il marque ce troisième but pour lui en tout cas. C'est dommage que ce but n'ait pas été accepté pour lui, mais c'est comme ça évidemment, c'est la règle. Et puis voilà, mais il a vraiment fait un grand match. Il a été présent partout techniquement, il faisait vraiment encore la différence. On retrouve le Mbappé qui faisait peur et qui est surtout est clinique, efficace dans tous ses gestes. Et surtout qu'il a de la confiance en fait, c'est surtout ça qu'on voit. Il a fait beaucoup de tentatives de frappe de loin avec un petit peu sa spéciale, enrouler les ballons. Non, franchement, on a retrouvé un très très grand, enfin un très très bon Mbappé en tout cas sur ce match-là aussi. Donc c'est une bonne chose et je pense que c'est le meilleur moment pour le Real Madrid de retrouver là ce Mbappé-là parce que évidemment il y a la Coupe d'Europe qui revient et sachant mal classés quand même en Ligue des Champions, c'est une bonne chose que Mbappé revienne à ce niveau-là. Et puis même pour la suite du championnat surtout aussi c'est vrai, c'est souvent à cette époque-là que le Real se réveille hein. C'est toujours un petit peu après la demi-teinte avant la trêve hivernale, c'est toujours un petit peu en demi-teinte, c'est la première partie de saison du Real, souvent c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment à chaque fois un regain d'élan, d'énergie comme ça en zone partie de saison. Pour pas parler que de Mbappé, il y a eu un bon match aussi de Rodrigo qui a marqué un but en seconde période, mais qui a été aussi incroyable, hein, très très excellent but. Ouais. et qui avait fait plutôt aussi une bonne première période donc non, un bon match dans l'ensemble du Real, même si tu l'as dit, ouais, ça avait très mal commencé avec une ouverture du score pour Las Palmas dès 30 secondes de jeu. Mais le Real a vraiment fait le job, ils ont eu beaucoup d'occasions aussi, et ouais, non, porté par un très grand Mbappé. Voilà, c'est un Real clinique et qui fait peur et très dangereux à chaque offensive. Donc très belle victoire du Real. Et qui permet du coup d'avoir 2 points d'avance sur l'Atlético qui a perdu du coup. Donc c'est vraiment le Real qui fait la très grosse opération du week-end en Espagne. Et 7 sur le Barça. Et 7 sur le Barça, bien sûr. Qui est énorme. Ouais. Donc 46-44, le Barça 39, Bilbao 39 aussi. Et puis Villarreal et Mallorca qui s'affrontent en ce moment. Où il y a toujours, il y a 4-0 du coup, on l'a dit, dans cette rencontre. Et pour le coup, ça a marqué aussi en Italie, comme marqué un deuxième but avant la mi-temps, donc mène 2-0. C'est mi-temps en Ligue 2, 1-0 pour Annecy, on l'a dit. Et Chelsea, tu nous tiens informé évidemment de l'avancement. Voilà pour l'Espagne. Bien sûr, un coup d'œil sur ce qui nous attend sur les matchs du week-end. 21e journée. Avec l'Atlético face à Villarreal. Atlético Villarreal, ouais, bien sûr. Pas mal ça, hein. Pas mal du tout. Ouais, plutôt pas mal, ouais. Parce que l'Atlético peut faire pour se reprendre, avoir aussi ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, évidemment, cette semaine aussi. On l'a dit qu'il joue qu'il reçoit. On l'a dit qu'il reçoit. J'ai oublié. Leverkusen, voilà, c'est ça. Donc, belle affiche, deux belles affiches. Et puis, Villarreal, si Villarreal reste vainqueur dans la rencontre du moment, Villarreal aura un bon match à jouer face à l'Atlético. Donc, ça peut être intéressant, ouais. C'est ça. Et bon, j'ai envie de te dire que c'est un peu le seul match du week-end. Hein. Enfin, la seule affiche. Real va via Valladolid samedi soir. Et le Barça recevra Valence dimanche soir. Ouais, donc pas de grosses affiches. Et puis donc l'Atlético, c'est samedi à 16h15, voilà, pour l'heure. Et enfin, donc on termine avec l'Angleterre pour retrouver la journée de Première Ligue. Avec évidemment la plupart des clubs que nos clubs français vont jouer cette semaine jouent en Angleterre cette semaine. Hein, Aston Villa, Liverpool et un autre aussi, je sais plus. Qui va jouer aussi, on va y revenir tout à l'heure, mais en tout cas il y aura Liverpool, City et bien sûr City Paris et Monaco, Aston Villa, donc 3 clubs français qui est concerné par les clubs anglais qui ont joué ce week-end. Donc Liverpool justement qui joue à Brentford, c'était samedi. Voilà, donc victoire tranquille face à Brentford au milieu de tableau, 2-0, voilà, qui permet de rester installé en tête, mais il a fallu attendre toutes dernières minutes, hein, toutes les dernières secondes même dans cette rencontre. Ouais, je parle beaucoup d'inefficacité, enfin en tout cas de manque de clinicité dans le dernier geste ou d'efficacité. Là c'est vraiment le cas. Le cas. 37 tirs pour Liverpool, seulement 8 cadrés. Et donc tu l'as dit, c'est 2 buts marqués donc par Liverpool, ce doublé de Nunez. Qui est intervenu à la 90e plus 1 et à la 90e plus 3. Donc effectivement, Liverpool a bien sûr surdominé ce match, mais voilà, devant, ça a été très compliqué dans le dernier geste, encore une fois. Mais là, vraiment, pour le coup, à 37 tirs, 8 cadrés, c'était vraiment compliqué pour Liverpool, mais voilà, l'essentiel est là, bien sûr. Ça aurait été incroyable de finir ce match à 0-0 avec quasiment 40 tirs. Ça aurait été presque une faute professionnelle. Moi, j'aurais presque parlé de ça. Moi, quand tu tentes 40 tirs, que t'es Liverpool, que t'as cette équipe-là, que tu surdomines presque ce championnat depuis plusieurs semaines, tu dois marquer au moins un but quand tu tires au but 40 fois. Donc, ils sont pas passés loin, vraiment d'une petite mésaventure. Ils ont arraché quand même cette victoire après une nette domination. Donc, ça reste un Liverpool évidemment extrêmement dangereux qui fait peur, encore une fois. Donc évidemment, ça va pas du tout être simple pour nos amis lillois cette semaine. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça c'est sûr. Donc bonne chance à eux. Après, on a vu Lille à l'œuvre depuis le début de saison en Champions. On sait de quoi ils sont capables aussi, mais voilà, face à un ogre liverpoolien comme ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais en tout cas Liverpool qui a assuré sa victoire ce week-end à l'arraché, mais les 3 points sont là et ça fait combien 6 points d'avance sur Arsenal, deuxième, alors qu'ils ont Liverpool un match de retard par rapport à Arsenal et Nottingham. Donc ils sont quand même relativement tranquilles sur leur trône. Oui, puisqu'Arsenal recevait Aston Villa, pour essayer de, d'imiter Liverpool. Mais voilà, ils ont été contrariés par Villa, malgré avoir mené 2-0. Et c'est Villa qui revient à deux partout et du coup bah qui perd Arsenal qui perd deux points précieux. Ouais bah comme je l'ai déjà dit peut-être pas la semaine dernière mais il y a déjà quelques temps c'est toujours à ce moment-là dans cette période hivernale qu'Arsenal laisse des points et c'est là où ils perdent généralement un petit peu leur le titre en fait c'est là où ils lâchent un peu la course au titre et alors, certes Villa est une belle équipe depuis la saison dernière ils sont relativement bien classés ils sont en Ligue des Champions bien évidemment ils vont jouer Monaco on l'a dit cette semaine c'est une belle équipe cette équipe de Unai Emery mais effectivement, Arsenal se doit de gagner ce match-là. Ils gagnent 2-0, ils se font reprendre à l'heure de jeu et juste quelques minutes après encore. Ils dominent ce match, ils avaient le pied sur le ballon globalement dans cette rencontre. Voilà, c'est vraiment deux points de perdu pour Arsenal. Ils peuvent s'en prendre quand même. Moi, voilà, je pense que peu importe l'amour ou non qu'on a pour Arsenal, c'est une équipe qui laisse pas indifférent, surtout en France, avec notamment tous les joueurs français qui sont passés dans l'histoire. Et je pense qu'on a tous un peu envie qu'Arsenal retrouve un jour cette première ligue. Voilà, après une vingtaine d'années, en tout cas moi, c'est ce que je ressens. C'est une équipe qui mérite ça, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils se sabotent un peu sur des matchs comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour eux, encore une fois, de laisser filer deux points, là, un peu bêtement, entre guillemets, face à cette équipe d'Aston Villa, qui reste une belle équipe, comme je l'ai dit. Combattante en tout cas à Villa mais Arsenal perd des points encore une fois c'est pas du tout la première fois de la saison ça risque de ne pas être la dernière c'est vrai que c'est vraiment dommage pour eux parce que ça fait 6 points de retard sur Liverpool avec un match en plus donc ça risque d'être compliqué quand même de revenir sur les Reds quoi au classement ouais Liverpool ouais, tu l'as dit match de retard pareil, on sait pas quand est-ce que ce sera, parce qu'il y a beaucoup de matchs à venir pour les Reds, mais il y aura peut-être la confrontation directe qui pourra leur permettre de revenir un peu. Ce sera peut-être. Ouais. Ce sera tard, ce sera la 36e journée. Hein. Donc, peut-être que ce sera déjà fini. Ah, d'ici là, ouais, ça va être fini. Ouais. On verra, mais en tout cas, voilà, 6 points, c'est déjà pas mal. Donc pour donc Aston Villa, en tout cas, qui est prêt hein, pour Monaco, hein, en tout cas, avec. Cette rencontre là donc on verra ça cette semaine on en parlera tout à l'heure de ces rencontres et puis City qui est prêt aussi pour affronter Paris plus que prêt victoire 6-0 bon après face à Ipswich qui est 18ème face à une équipe 18ème du classement anglais Ipswich pas de chance hein, pour le PSG hein. C'est juste avant leur match que City s'en met vraiment les idées à l'endroit quoi. Oui, évidemment, c'est face au promu Ipswich. Même si, franchement, il y a un moment où City a déroulé quand même, mais Ipswich, pendant combien, jusqu'à l'ouverture du score, hein, pendant presque une demi-heure, je trouve qu'ils ont plutôt fait un bon match. Ils tenaient bien cette équipe de City. City avait quand même commencé assez fort en début de match, mais ils pêchaient vraiment dans la finition aussi. Et Ipswich a eu quelques occasions peut-être de briller au score, ils ont pas obtenu bien sûr, mais c'est dommage, je trouvais pas mal cette petite équipe d'Ipswich pendant 30 minutes. Et puis après il y a eu l'homme en forme Foden qui a marqué un doublé, il y a eu ce but d'Haaland, il y a eu pareil une bonne petite percée côté gauche de Doku pour venir marquer. City a évidemment survolé ce match-là. On pouvait s'y attendre, même malgré la méforme actuelle de City. C'est un score évidemment somme toute logique face à ce promu-là. Ah, on t'entend plus, Hugo. Ah, on a perdu Hugo encore, une nouvelle fois. Décidément, c'est compliqué ce soir à technique. On va retrouver Hugo tout de suite. Et bien entendu, on va poursuivre ce débrief. En Angleterre, alors que je rappelle que les directs, pas de mouvement, toujours 4-0, hein, ce Villarreal Mallorca, décidément, qui est assez incroyable. Et bien entendu, sur les autres matchs, on suit toujours un Chelsea qui mène 1-0 également sur sa pelouse face à Wolverhampton. Et puis on a aussi l'Italie où c'est la mi-temps, la Ligue 2 où c'est la mi-temps. Voilà, en tout cas, ça n'a pas bougé pour les autres rencontres. Donc bien sûr, on vous tient informé quand ça bouge. On retrouve Hugo tout de suite et on poursuit ce débrief en Angleterre Et bien sûr, on attaquera la France après la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue 2, le National. Et on présentera la Coupe d'Europe qui nous attend cette semaine. Le retour, c'est la 7e journée après cette grosse trêve. On va retrouver tous nos clubs français donc dans ces compétitions cette semaine. Hugo est avec nous de nouveau. Oui, je suis là. Voilà. Je suis revenu. Oui, donc voilà, victoire évidemment très logique, 6-0 de City quand même sur ce match-là. Mais du coup, je sais pas si on m'entendra encore, mais évidemment, malgré ce résultat logique entre cette rencontre pas du tout équitable. On t'a arrêté à Arsenal, hein, à Aston Villa. Ah oui, non, ça c'est une très bonne vanne, ça. N'est-ce pas? Non, donc... vraiment. Non, c'est pas vrai. Non, en plus on n'a pas. Je t'ai parlé. Oui. Non, voilà, c'est quand même City dit quand même au PSG, voilà, attention évidemment pour cette semaine. Après, voilà, le groupe du PSG qui devrait être quand même au complet. Oui. Mis à part la nouvelle recrue Kvaratskhelia qui évidemment ne peut pas être qualifié avant la phase à élimination directe. Mais le PSG sera au complet. City risque de l'être aussi parce que quand même toutes les stars sont là. De Bruyne, je l'ai trouvé plutôt en jambe quand même sur ce match-là. Il a toujours un peu perdu sa superbe quand même. Je pense que voilà, à son âge, on ne retrouvera plus le De Bruyne prime comme on dit qu'on avait encore il y a encore peut-être un an, deux ans. Mais en tout cas, je l'ai trouvé encore pas mal aussi sur ce match-là. Un bon match de Doku. Haaland, voilà, était là un petit peu en renard, a marqué son but. Foden est en forme, donc ouais. Attention quand même à City, ça va être compliqué pour le PSG. Mais je pense que défensivement, il y a quelque chose à faire aussi. Donc voilà, on en parlera peut-être encore plus tout à l'heure de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, City, offensivement, ça peut faire mal au PSG, sachant que la défense parisienne n'est pas forcément non plus parfaite, quoi. Non, on en parlera, mais oui, ça a été compliqué ce week-end. Ouais. Deux résultats pour finir. La victoire de Nottingham Forest face à Southampton 3-2. Ça n'a pas été simple, mais il fallait gagner pour rester au contact d'Arsenal et un petit peu plus loin de Liverpool. Enfin, c'est la lanterne rouge, hein, il fallait vraiment gagner. 6 points seulement, donc ça a été fait. Et la nouvelle défaite de United face à Brighton 3-1. Voilà, United qui continue de descendre, hein, 13e, 26 points. Bon, qui est loin de la zone rouge, mais voilà, qui a pratiquement plus de chances d'aller en Coupe d'Europe maintenant. Ça va être très compliqué. Non, bah là, c'est... Enfin... Bah, l'an dernier, on avait dit c'est... ça, puis ils ont cravaché et ils ont réussi à se qualifier en Ligue Europa, quand même. Oui, après, peut-être qu'ils peuvent toujours essayer d'arracher, ouais, en... Ligue des Champions, c'est mort, mais... Ouais, non, mais ça, c'est sûr, mais voir s'ils peuvent arracher une place en Conférence League. Après, il faut passer par les barrages aussi, maintenant. Ah, ils avaient gagné la Cup, c'est pour ça qu'ils sont qualifiés. C'est vrai. Oui, c'est vrai, exact. C'est vrai. Mais non, je pense que l'effectif cette année est vraiment beaucoup trop faible en fait. Ouais. Tu peux pas te reposer sur le petit Amad Diallo tout le temps parce que voilà, même s'il a du talent évidemment, ce jeune attaquant ivoirien, il peut pas tout faire non plus. C'est pas Ronaldo. Après voilà, en vrai, en joueur confirmé, enfin vraiment très. Ah, égalisation de Wolverhampton juste avant la mi-temps, un partout. Ah oui, ça y est. J'ai pas vu qui a marqué. Parce qu'il y a 6 minutes de temps additionnel. Là, on est à la 50e minute, mais dans le temps additionnel, donc de la première période. Et donc, ouais, égalisation pour... C'est Doherty qui a marqué. Pour les Wolves, ouais, c'est Doherty, c'est ça exactement qui vient de marquer. Alors, je vais pas le ralentir, parce que du coup, j'avais le nez dans mes fiches. Alors, c'est sur un corner, une boulette du gardien de Chelsea. Hein. Le corner qui est presque rentrant. Le gardien de Chelsea qui essaie de capter le ballon, simplement sur sa ligne en sautant. Et le ballon glisse, hein, il avait sûrement de l'huile dans les mains et ça a été repris donc par Doherty juste devant lui. Il était à la buvette avant le ballon dans le but. Il était à la buvette avant la mi-temps. Et voilà, ouais, donc je disais pour United, t'as Bruno Fernandes qui est vraiment le joueur le joueur clé de cette équipe. Après t'as qui De Ligt. De Ligt en défense, mais De Ligt en vrai, ça a été compliqué, hein, franchement, depuis son départ de l'Ajax, en vrai, à la Juve, il n'a pas été forcément trop mal. La Pro Bayern, ça a été pas dingue. Et là, United, c'est toujours pas saqué ça non plus. Après, voilà, t'as Maguire qui est moqué depuis des années. Alors, des fois, il fait des bonnes choses, hein, Maguire, en défense, mais il est quand même plus connu pour ses boulettes que pour son talent défensif. Puis Onana, dans les buts, c'est une catastrophe. Il a encore fait une boulette, justement, ce week-end. Là, depuis qu'on arrive à United, c'est une catastrophe. Donc non, franchement, c'est très compliqué. United n'a pas l'effectif qu'il faut pour jouer les premiers rôles dans cette première ligue. Et malgré l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc là en cours de saison, tu peux pas changer non plus les joueurs qui sont sur le terrain. Donc moi, je pense que cette saison-là, de toute façon, là, faut vraiment la rayer pour United. Et il faut attendre, voilà, le mercato cet été, voir ce que Amorim peut demander comme joueur, voir ce qu'on peut construire pour l'année prochaine. Mais il va falloir faire un ménage pour moi dans cette équipe et chercher vraiment un petit peu des bons joueurs à chaque poste, parce qu'effectivement là c'est très compliqué pour eux. Là c'est vraiment l'une des peut-être des plus faibles équipes, pour pas dire mauvaises, mais des plus faibles équipes qu'on a sur peut-être tout 21e siècle, je pense, hein, pour United. Possiblement, oui, c'est vrai. Ah oui, ouais. Et Tottenham qui a perdu aussi, hein, parce que je sais pas si tu l'as dit, mais... Non, t'as raison, Tottenham qui a perdu aussi Everton, ouais, et c'est un mauvais résultat pour Tottenham qui est 15e. Saison catastrophique, ouais. Hein, pour Tottenham. 15e, attention, qui est à 8 points. Alors, bah, Everton qui se rapproche, hein, du coup. Hein, oui, c'est ça. Et ils sont à 8 points de la zone rouge, Tottenham. C'est beaucoup, mais en même temps, attention. Le classement, donc, on l'a dit, donc Liverpool 50 points, Arsenal 44 avec Forest, City 38 points, 4e. Ensuite, Newcastle, c'est qu'on en parle très peu, mais qui est quand même 5e, hein, avec 38 points. L'équipe de Newcastle qui a été battue, mais qui reste 5e. Chelsea 6e, 37 points, donc qui joue en ce moment. Bournemouth, ensuite Aston Villa. United 13e, on le disait. Tottenham 15e, en bas. Ipswich, donc Leicester. Et Southampton, très loin, Lanterne Rouge. Ce week-end, 23e journée, bah, moi je vois un match, hein, qui va nous intéresser quand même. Manchester City-Chelsea. Oui, je ne trouvais pas. Oui, exact, bah, bien sûr. City-Chelsea, match capital pour la Ligue des Champions, pour cette 4e place. Puis City qui a à cœur forcément de retrouver ce podium-là. Donc, ouais, c'est vraiment le match à suivre. On va voir ce que va faire Chelsea ce soir. Et puis City, ce que ça va donner aussi contre le PSG. Donc, mais oui, en tout cas, oui, évidemment, c'est l'affiche du week-end pour cette 23e journée. Ouais. Chelsea n'a pas de Coupe d'Europe, hein, donc. Ouais. Ah si, mais c'est plus tard. En conférence. Je les vois même pas. Pourquoi je les vois pas? Ah, si, ils sont en conférence, mais je les vois pas. Je sais pas pourquoi je les vois pas. Si, ils jouent cette semaine. C'est une bonne question, ça. À la conférence, en fait, on suit. On suit pas beaucoup, pas, hein. Mais je les vois pas jouer, donc je sais pas pourquoi je les vois pas jouer en conférence. À vrai dire, je savais même plus qu'ils étaient en conférence, tu vois. Ça m'est revenu comme ça. Ils avaient fini assez loin quand même. Ah oui, alors non, parce que là, en conférence, c'est fini. Il y avait que 6 journées. Hein. Il y avait que 6 journées. Oui, il y avait 6 journées. Il n'y a pas le système de phase de ligue à 36. Il y avait que 6 journées, ouais. Donc, alors, il y avait un système de ligue quand même, mais à 36, ici, mais il y avait que 6 matchs. D'accord. Et Chelsea a terminé leader, 6 au passage, hein, pour info. 6 sur 6. On en a pas très peu parlé, mais ils se sont qualifiés en gagnant tout. Et donc, là, on a des 16e de finale qui arrivent. Début février, donc là il n'y a plus de match jusqu'à ce que les autres Coupes d'Europe se terminent, en tout cas pour la phase de ligue. Voilà, donc c'est pour ça que Chelsea ne jouera pas jusqu'à la fin du mois là, et même plus loin, parce qu'ils sont déjà qualifiés pour les 8e, hein. Donc eux, ils vont rejouer que fin février, hein, début mars, hein. Ils sont tranquilles. Oh, c'est le bon plan en fait. Ah bah oui, là t'es peinard, hein. Donc Chelsea ne joue pas cette semaine. Et arrivera probablement un peu plus frais que City, qui aura joué à Paris. Hein. Ouais, c'est sûr, oui. Ouais. Voilà, donc et Chelsea s'il gagne ce soir, Chelsea pourrait repasser devant City, et ça pourrait être déterminant, cette rencontre, hein, face à City la semaine prochaine. Donc on verra, en tout cas, déjà on en saura un peu plus tout à l'heure après cette rencontre. Voilà, c'est probablement le seul match, hein, qui est important à suivre. Hein, Ouais, c'est tout. Donc ça sera samedi à 18h30, voilà, cette rencontre de Première Ligue. On va en France pour finir. Alors, il est déjà presque 22h, on va essayer de faire assez vite, puisqu'après, il faut encore qu'on évoque la Coupe de la Ligue des Champions, hein, qui va présenter les quelques affiches. Coupe de France, donc 16e de finale. Des surprises, hein, tu le disais tout à l'heure, avec notamment... l'une des premières surprises qui est arrivée, alors il n'y en a pas forcément eu mardi, puisque si ce n'est que Le Mans a battu Valenciennes, s'est qualifié au tir au but. On a l'un des petits poussés, Cabourg, qui s'est qualifié aussi en battant le puits 1-0. Nice s'est qualifié, Guingamp au tir au but face à Sochaux. La défaite de, enfin, l'élimination de Monaco au tir au but face à Reims. Et l'élimination de Marseille au tir au but aussi face à Lille. C'était un gros match, ça. Ouais, ça va. Au match, mais c'est vrai que c'est. Le scénario incroyable, avec l'égalisation. C'est clair, d'Enrique, dernière seconde, et c'est, enfin, notamment lui qui loupe son pénalty dans la séance de tir au but. C'est ça. Et bon, c'est la loi de la Coupe de France aussi, hein, mais c'est vrai que là, ça fait, enfin, une belle hécatombe, hein, c'est. Ce tour de Coupe de France. Ah oui, il y a eu. Pour les gros clubs. Puisque, donc, ensuite, le mercredi, Lyon s'est fait sortir par Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3, hein, là, des petits poussés. Ça, c'est une vraie surprise. Donc, un de moins. Lorient s'est fait sortir par Cannes. Brest a battu Nantes. Strasbourg s'est qualifié. Ça, c'était tir au but face à Taon. C'était pas gagné. Hein. Rennes était sorti aussi par 3. Saint-Brieuc s'est qualifié. Toulouse, Angers, assez logiquement. Et puis Paris. Mais que ce fut difficile face à Espaly. Hein. On a bien cru. Parlé de catastrophe, hein, quand même. On a bien cru qu'il y aurait ces tirs au but. Hein. C'est dommage, presque, pour. Le petit poussé. C'est dommage pour Espaly, mais c'est loin d'être rassurant pour le PSG, même si évidemment ils ne jouaient pas leur vie sur ce match-là, mais ils ont vraiment joué que de la suffisance, et c'est encore, c'était que de la suffisance, mais même avec beaucoup, je trouve, d'arrogance, quoi. Ouais. Et notamment Doué, Barcola, même s'ils ont été buteurs, ils ont joué avec beaucoup trop d'arrogance, quoi. Et ouais, ils ont failli payer, quoi. Ils ont failli le payer, mais en tout cas, ouais, gros match d'Espaly, on peut leur tirer notre chapeau, hein, mais je pense que là, ils ont vraiment fait le match de leur vie, eux. Ouais. Être marqué deux fois, vraiment, quand même, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est ça. Puis, revenir au score à la 111e, faut le faire aussi, parce que souvent, quand il y a 2-1, pour la Ligue 1, face à un petit poussé, on se dit, bon, bah, ça y est, quoi. Mais non, franchement, ils ont fait vraiment leur match, quoi, Espaly. Mais pour le PSG, c'est quand même catastrophique de faire sur ce scénario-là, c'est catastrophique, quand même. Il restera un match encore mercredi à Guenot-Dunkerque, puisque le match avait été reporté pour le terrain, à cause du terrain, donc ce sera mercredi après-midi pour connaître l'adversaire de Lille, hein, qui se déplacera du coup, puisque à Guenot qui est en National 2 et Dunkerque qui est en... Ah non, alors si c'est à Guenot, ce sera un déplacement pour Lille. Si c'est Dunkerque, ce sera à Lille, puisque Dunkerque est en Ligue 2. Ouais. Donc ça dépendra du vainqueur. Mais Lille, en tout cas, actons son adversaire. On aura 3 Brest, Le Mans, Paris. Paris qui s'en sort très très bien, hein, face au Mans. Toulouse, Guingamp, Cannes face à Dives. Cabourg, Strasbourg, Angers, Saint-Brieuc-Nice et Bourgoin-Jallieu. Il n'y a pas de grosses affiches, hein, en fait. Hein. Bah, pas de choc. Hein. Bah, Marseille est tombé, Lyon est tombé, Monaco est tombé. Déjà, donc, ouais, ça fait quand même 3 gros, très gros, enfin très gros de Ligue 1 qui sont plus là, du coup. Donc forcément, il n'y a plus trop d'affiches, quoi. C'est ça. Mais ça laisse beaucoup, ça laisse des chances, petit poussé là, de se qualifier, hein, toutes ces hécatombes. Alors c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que c'est vrai que c'est souvent un débat qui revient. Quand même, c'est de cette règle, où, quand il y a deux divisions d'écart, trois divisions, je sais plus, tout minimum, c'est forcément les petits poussets qui accueillent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, toi? Alors oui, peut-être pour les exploits des petits poussets, justement, pour favoriser le petit, mais est-ce que c'est une bonne chose de tout le temps favoriser le petit, quand même? Pour toi. Parce que, c'est bien, ça fait des belles histoires, mais en soi, pour l'attractivité, ou même... pour les belles affiches de coupe, est-ce que c'est pas aussi un peu dévalorisant? Puis même des fois, les petits poussés seraient peut-être contents d'aller jouer au Parc des Princes. Dans un grand stade, Après, c'est vrai que c'est recevoir dans ton stade, c'est sympa. Mais c'est vrai que pour les recettes, c'est aussi moins, probablement moins de recettes. Hein. C'est sûr. Aussi. Mais oui, c'est vrai que cette règle a toujours été. Je sais pas si ça sera un jour revu, mais. Ça me dérange pas, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est revenu notamment là ces derniers jours. Donc je me pose la question de ton avis aussi là-dessus. Après, même si t'es au Parc des Princes, je pense que le parc n'aurait pas été plein non plus, donc l'ambiance n'aurait pas été exceptionnelle non plus. Mais bon. Ça me dérange pas, mais c'est bon. Ouais, c'est, pourquoi Enfin, ça me choquerait pas que ça s'arrête, toi, si tu veux, là, cette règle. Oui. Donc en tout cas, 2 des 3 petits poussés sont passés, hein. Dives, Cabourg face à... Donc ils jouent... Alors ils étaient un peu déçus sur le tirage au sort, ils attendaient un gros, ils iront à Cannes qui est un National 2, Mais ça leur laisse une chance de se qualifier quand même. Et en quart de finale, ce serait un véritable exploit. Donc ils ont une grande chance pour se qualifier. Et puis Bourgoin-Jallieu recevra Reims. Là, ils ont eu le gros tirage. Enfin, c'est Reims, hein, mais ça reste en Ligue 1. Donc en tout cas, ce sera à domicile pour donc Bourgoin-Jallieu. Donc là, ce sera 4, 5 et 6 février. Donc il y aura cette semaine-là, il y a tout. Hein. Il y a coupe en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre. Il y aura la Cup, la Coupe de Ligue. Il y a vraiment toutes les coupes cette semaine-là. Donc on aura beaucoup de boulot la semaine le lundi suivant. On va poursuivre. Tiens, juste pour les directs, c'est la mi-temps en Espagne et en Angleterre. En revanche, ça reprend en Italie où l'Inez a réduit l'écart 2-1 à la 54e et en Ligue 2 toujours 1-0 pour il est où, voilà, Annecy face qui se déplace à 3 qui mène 1-0 donc à la, là aussi, à l'heure de jeu quasiment. Tiens, une info aussi, je sais pas si t'as vu passer, on aura le retour de la Coupe de la Ligue, mais chez les filles, chez les féminines. Oui, j'ai vu passer ça, ouais. Voilà, je sais pas si ça donnera des idées pour les garçons, mais c'est pas la peine, hein, c'est vraiment pas la peine de la faire revenir. Non. Il y a assez de matchs. Hein. Vous embêtez pas avec rien. Ouais. Non. C'est ça. Un mot rapide, parce qu'on va aller très vite pour le bien sûr, s'attarder un peu plus sur la Ligue 1 nationale, la 17e journée, un point pris seulement pour Orléans face à Châteauroux dans le derby, mais face au dernier, c'est vraiment pas un bon résultat. Il fallait gagner évidemment. Ouverture du score 19e minute, égalisation à l'heure de jeu pour Châteauroux, donc c'est dommage, d'autant plus que Boulogne-sur-Mer a fait match nul également, et que le leader Nancy a perdu à Valenciennes samedi. Donc voilà, une victoire aura pu permettre à Orléans de reprendre la tête, mais ça, tout est resserré, hein. 30 pour Nancy, 29 pour Boulogne, 29 pour Orléans et 26 pour Dijon. Donc tout très serré, c'est ce classement. La 18e journée vendredi, déplacement à Valenciennes qui est 11e. Donc voilà, ça sera intéressant de gagner pour se relancer. En Ligue 2, très rapidement également, pas de mouvement pour Lorient qui reste en tête du classement après sa victoire à Dunkerque. Metz reprend la deuxième place du Paris FC, puisque Metz s'est imposé justement face au Paris FC. Voilà, donc c'était le match du week-end, 3-1. Donc Metz en profite pour reprendre la tête, la deuxième place à égalité avec le Paris FC. Les Dunkerque chutent à la quatrième place. Dunkerque, après, on l'a dit, la défaite à Lorient. Il y avait deux gros matchs quand même ce week-end. Ce Metz par FC et ce Lorient-Dunkerque. Et puis Guingamp en profite pour revenir à un point de Dunkerque, cinquième pour l'instant dans ce classement. Et en bas, Martigues très très loin à 12 points. Caen 15 points. Ajaccio 18 points et 3 21 points. Donc voilà, très très loin Martigues qui va avoir beaucoup de mal dans cette fin de saison. Finissons avec la Ligue 1. Donc la Ligue 1. Ces matchs de ce week-end, c'était la 18e journée. Et ça a démarré vendredi avec deux des prétendants à l'Europe, Monaco, qui se déplaçait à Montpellier, enfin même trois, puisque Lille recevait Nice. Et Monaco, très mauvaise affaire pour démarrer la journée avec une défaite à Montpellier. Dernier, c'est vraiment un mauvais résultat, un mauvais passe pour Monaco, hein, qui enchaîne les mauvais résultats. Merci. 4 matchs, au moins 4 matchs là, sans victoire, non ? 4 matchs sans victoire, ouais. Et dont 2 défaites, ouais. ça fait beaucoup, hein, face à au PSG, c'était assez logique, mais là, face à Montpellier, ça l'est beaucoup moins. Et très mauvaise idée avant de reprendre la Ligue des Champions, cette défaite à Montpellier. Bah oui, c'est sûr, surtout face à ce Montpellier-là, effectivement, cette saison qui est catastrophique, où tout se passe mal pour le club montpelliérain. Donc oui, forcément, la Monaco a vraiment pas fait la bonne opération du tout du week-end. Et ouais, voilà, je sais pas trop ce qui se passe à Monaco en ce moment. Tu regardes peut-être les matchs d'un autre que moi. Pourtant, ils ont quand même vraiment devenu ce match. Hein. Ils ont quand même eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais On s'y recadrait quand même. Bon, sur 26, c'est pas trop mal. Mais ouais, il manque une efficacité. La possession était là aussi. Il y a eu c'est vrai qu'il y a l'arrivée là de l'attaquant Mika Berets, le Danois, qui a pas forcément été très impactant. Mais pour le reste, l'équipe était assez classique. Mais c'est une passe qui est difficile. Et c'est vrai que bah là, Il laisse tomber le titre, ça c'est clair, et deuxième place qui est c'est assez loin maintenant. Il va s'agir maintenant de se rester pour se qualifier pour la Ligue des Champions quand même. On est quand même plus sur le recrutement de l'époque à Monaco quand même. Non, c'est un peu calmé, ouais. C'est dingue parce qu'on est toujours sous pavillon russe quoi à Monaco, mais il y a plus. C'est dommage qu'on ait plus l'oseille quoi pour dire les termes dans le recrutement pour essayer de construire une équipe vraiment compétitive quoi. Ouais. Comme à l'époque, c'est dommage, mais c'est vrai que ce match-là, il fait quand même très très mal. Hein. Pour Monaco, sur le plan comptable, bien évidemment, et puis encore une fois, face à cet adversaire-là, c'est vraiment une défaite qui fait pas du tout du bien, quoi. Donc, et c'est sûr quoi, avant cette échéance en Ligue des Champions, même si Monaco a quand même fait déjà le job en Ligue des Champions globalement, c'est sûr que ils arrivent pas vraiment avec la confiance, ouais. Quoi. Donc c'est une défaite qui fait vraiment très très mal, doublement mal à Montpellier ce week-end, vendredi. Lille recevait Nice, ça c'était un gros choc. Lille, avant d'aller à Liverpool, on l'a dit tout à l'heure, s'impose face à Nice et double Monaco, ça y est, prend la troisième place. Et Lille qui enchaîne 21e match sans défaite, c'est fou cette série. C'est ça, et enfin, c'est une équipe de Nice qui était... Ouais. Plutôt dans une bonne passe aussi, donc c'est vrai que c'est une victoire importante pour les Lillois, pour la course à l'Europe aussi. C'est vrai qu'ils ont fait une grosse seconde période, alors que Nice avait plutôt maîtrisé la première, justement en ouvrant le score à la demi-heure de jeu par Sofiane Diop. Mais Lille a vraiment réagi dès le retour des vestiaires à la 48e, égalisation d'Haraldsson, et puis t'as quitté juste après l'heure de jeu. C'est vrai que Lille a fait le job en seconde période dans ce choc là. Ça a été quand même un match relativement serré. On se tire partout, 4 tirs cadrés à 3, il n'y a pas eu des grosses occasions, c'était pas un grand match non plus. Mais c'était un petit peu malheureux vaincu dans ce match là bien évidemment. Et Lille fait vraiment la grosse opération en gagnant et en restant quand même à 5 longueurs de Marseille devant. Marseille qui a été ralenti, on va en parler après. Mais en tout cas qui repasse devant Monaco du coup, donc belle opération lilloise forcément sur ce match là. Samedi, le PSG recevait Lens avant City donc, et pouvait prendre 10 points d'avance avant que Marseille joue hier soir. Ils l'ont fait les Parisiens, ils ont gagné ce match, mais pas évident quand même. Les Lensois qui sont bien battus et qui auraient presque pu aller chercher mieux dans ce match. Bah clairement ouais, Lens a plutôt fait un bon match dans l'ensemble. Tu l'as dit, on ouvrant le score à la 36e par Enzola. C'est vrai que le PSG la rassure encore pas, hein, quoi. Après, il y a eu la Coupe de France la semaine dernière, mais même sur ce match-là, effectivement, le PSG l'a fait un petit peu au caractère en fin de match avec ce but de Barcola. Il a joué l'égalisation de Ruiz à l'heure de jeu. Et effectivement, le PSG qui rassure pas du tout, n'a pas fait du tout un grand match. Ils ont évidemment gagné parce qu'ils sont au-dessus de cette équipe de Lens, mais c'est vrai que c'est dommage pour Lens de perdre ce match parce qu'ils avaient les armes quand même sur la physionomie de cette rencontre d'accrocher au moins un point. Mais à la fin c'est toujours le PSG qui gagne quand même. Donc c'est une victoire quand même relativement logique, mais pas du tout rassurante pour les Parisiens avant le match contre City quoi. Non, loin de là, ouais. Ce sera, on en parlera, ce sera demain, mercredi. Mercredi, ouais. Rennes-Brest qui va bien mieux après sa victoire à Lyon la semaine passée, qui enchaîne. C'était pas à Lyon, c'était face à Lyon à domicile, qui va mieux, qui enchaîne face à Rennes cette fois. 2-1. Par contre, c'est Rennes. Rennes, ça y est. Rennes, c'est quand même catastrophe aussi. Qui est rejoint le club des 17 points avec Nantes, avec Saint-Etienne, et donc pratiquement barragiste, en fait. Qui n'y est pas officiellement, mais qui est sur les mêmes places, mêmes points, en tout cas, que ses barragistes. Donc, Rennes, qui fait peur. Hein. Qui se fait peur. Qui se fait peur. Enfin, en tout cas, ils font pas peur sur le terrain aux adversaires, non. C'est sûr. Brest, c'est bien qu'ils enchaînent avant la reprise de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils enchaînent deux victoires d'affilée là en championnat. Il y a eu la victoire en Coupe de France également. Donc c'est vrai que là, dans les têtes, c'est très bien pour les Brestois qu'on fait vraiment un bon match dans ce derby breton qui n'a pas été flamboyant non plus. Mais même si Rennes a tenté beaucoup de fois au but, mais Rennes qui reste inefficace malgré ce but de Blas pour réduire le score. En fin de match, mais Rennes qui reste désolant et très inquiétant effectivement. notamment défensivement, c'est voilà, c'est cette défense, elle est pas dingue, hein. Athébourg, Ostigard, Wu, j'en ai déjà parlé la semaine dernière aussi. C'est assez fragile, même très fragile, cette défense rennaise. Brice Samba, la nouvelle recrue dans les buts, qui peut pas faire grand chose. Voilà, en tout cas, c'est une belle équipe de Brest qui s'est imposée, un but de Magnetti, un but d'Ajorc. Les buteurs un petit peu habituels, j'ai envie de dire, côté brestois, surtout en Coupe d'Europe. Donc moi je suis content pour Brest quand même. Je suis assez désolé pour Rennes de les voir comme ça aussi bas cette saison, c'est dommage. Après avoir enchaîné plusieurs saisons relativement bonnes. Mais en tout cas pour Brest, évidemment, encore une fois, avant la Ligue des Champions de cette semaine, c'est une bonne chose de bien enchaîner les résultats comme ça. Donc je suis content de voir Brest aussi, mine de rien, relever la tête en championnat, parce qu'on l'avait dit, évidemment, en première partie de saison, il défonçait tout en Ligue des Champions, mais en championnat, ça suivait pas du tout. Bon, espérons que ce soit pas l'inverse pour le coup cette fois-ci, en seconde partie de saison, que ce soit la décadence en Coupe d'Europe et qu'il revienne en championnat. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour Brest d'enchaîner les points et de repartir dans cette première moitié de classement, quoi. Ouais, avant de se déplacer à Donetsk, donc face aux Ukrainiens. Ce sera mercredi également. C'est en Allemagne, à Gelsenkirchen, ouais. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. On a rapidement Lyon-Toulouse, qui était samedi soir, triste 0-0 pour les Lyonnais qui ont été décevants, globalement, et qui reste sixième, hein, qui aurait pu profiter, hein, des défaites de Nice, de Monaco pour grappiller des points, de Lens aussi, et qui aurait pu tout simplement être avec Lille, hein, autour de sa troisième place, raté pour Lyon, qui n'avance pas depuis deux matchs là, hein, pour les Lyonnais. Ils sont sur une mauvaise dynamique aussi, ouais. Lyon, alors pas aussi catastrophique que Rennes bien évidemment, mais assez en tout cas pour fragiliser notamment le poste de Pierre Sage au poste d'entraîneur, parce que je sais pas si t'as vu aussi passer, mais aujourd'hui on a vraiment appris que John Textor avait pris contact une nouvelle fois avec Paulo Fonseca, hein, qui a été limogé donc il y a quelques semaines par le Milan AC, et qui est encore la saison dernière avec le LOSC, coach du LOSC. À voir maintenant ce que ça va donner en Coupe d'Europe, en Ligue Europa cette semaine pour eux, et puis ce week-end également pour la 19e journée. Mais effectivement, Lyon, ouais, encore une piètre, une nouvelle piètre performance sur le terrain, ouais, ce week-end, vraiment pas beaucoup d'occasions, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match-là. C'est un 0-0 pauvre. Les supporters l'ont bien compris, ils ont quitté le stade avant la fin du match. La plupart, en tout cas. Chacun se fait son avis là-dessus, mais ça, en tout cas, ça démontre bien la piètre performance, la piètre prestation des Lyonnais. Qui enchaîne une nouvelle fois un mauvais résultat, 0-0 à domicile contre Toulouse. Effectivement, c'est vraiment pas un bon résultat quand t'essayes évidemment d'aller accrocher ses passes européennes et de retrouver cette Ligue des Champions qui manque tant à Lyon depuis quelques temps maintenant. Donc ouais, non, en tout cas c'est très très mauvaise performance, c'est même contre-performance que de faire 0-0 contre Toulouse à ce moment-là de la saison. Donc ouais, c'est très très mauvais résultat pour Lyon, encore une fois. Poursuit dimanche rapidement Saint-Étienne-Nantes, match de bas de tableau. Nantes pensait ramener les 3 points de Saint-Étienne, mais Saint-Étienne qui égalise en fin de match. Et ça n'arrange personne ce match nul, puisque voilà, Nantes, Saint-Étienne reste à 17 points, vraiment sur cette place de barragiste. Donc voilà, match qui n'arrange personne. On avait Reims-Le Havre. Le Havre qui prend un point face à cette équipe de Reims. Qui est juste au-dessus, hein, de cette équipe, ces équipes à 17, hein, Rennes, Nantes, Saint-Etienne, qui a 21 points, qui aurait été bien inspiré de gagner face au Havre. Mais le Havre qui va prendre un point, peut-être qu'il comptera. En tout cas, c'est leur premier match nul au Havre, hein, seulement. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Bon, c'était plus s'ils perdaient quand même, depuis le début de saison. Surtout, ouais. Surtout. Mais en tout cas, c'est leur premier point. C'est d'ailleurs l'équipe qui a le plus perdu, hein, plus que Montpellier, hein, le Havre. 13 défaites. Mine de rien. Ouais, tout à fait, ouais. Donc le Havre qui prend un point quand même, qui pourra peut-être compter plus tard. On avait Angers qui est un tout petit peu mieux, mais 22 points, mais qui a pris 3 points très importants face à Auxerre. Auxerre, dommage, hein, qu'aurait pu essayer. Et il y a carton rouge tôt dans le match, hein, aussi. Ouais, qui s'est un peu sabordé, c'est vrai, en prenant ce rouge très très tôt, qui a pris un but contre son camp marqué juste avant, hein, juste avant l'expulsion. Donc ils sont un peu sabordés tout seuls. Et ils n'ont pas pu faire mieux derrière, ils n'ont pas redressé la barre, et donc 2-0. C'est dommage pour Auxerre qui avait fait quelques belles prestations il y a quelques semaines, et là ils enchaînent 5 matchs sans victoire, hein. Donc c'est, ça n'avance plus et l'espoir d'aller chercher un peu mieux, ça s'est un petit peu étiolé. Et là ils sont 11e, donc Auxerre qui rentre un petit peu dans le rang et qui est pas très très loin quand même de la place de barragiste finalement, hein. Quand on regarde Auxerre, Angers avec 22, on a dit Reims 21, les 17 sont pas loin, donc c'est dommage d'avoir enchaîné cette grosse série négative et maintenant il va falloir se remettre au travail pour aller chercher des points importants. Et enfin Marseille-Strasbourg hier soir, Marseille qui pouvait essayer de suivre la cadence de Paris, essayer de rester à 7 points, il y en aura 9 maintenant désormais. La faute à Strasbourg qui embête souvent Marseille, qui embête souvent les grosses équipes, hein. C'est vrai, les Strasbourgeois, ils l'ont encore fait, ils avaient ouvert le score et Marseille qui a réussi à égaliser, mais pas plus dans cette rencontre. Et du coup, ça, c'est dommage, ils auraient pu faire un gros coup en allant gagner et laisser les poursuivants un petit peu plus loin. C'est vrai que le PSG a quand même fini par gagner ce week-end, mais malgré une pas très bonne performance du PSG, les autres n'ont pas profité entre guillemets non plus. Marseille n'a évidemment pas pris les 3 points. Monaco non plus, Lyon non plus, voilà. Donc c'est dommage d'avoir le PSG dans une mauvaise. Dans une période assez moyenne et de ne pas voir les autres essayer d'en profiter ou d'enchaîner. Et ouais, c'est le cas de Marseille. Alors après, oui, effectivement, cette équipe de Strasbourg qui a vraiment donné beaucoup de problèmes à Marseille. Strasbourg qui a été vraiment efficace défensivement. Il a fallu seulement un penalty pour l'OM pour marquer un but dans ce match et égaliser à la 68e par Greenwood. Alors même si Marseille a beaucoup poussé après en seconde période, notamment en fin de match, forcément pour aller chercher ces 3 points là dans son stade Vélodrome, mais Strasbourg a bien tenu et c'est vrai que c'est une équipe très soudée, cette équipe strasbourgeoise, très très solide défensivement, un gros bloc défensif. C'est vrai que il y a un beau match aussi d'Emega, le buteur strasbourgeois du soir. Globalement, les joueurs marseillais, je trouve, ont quand même été tous un cran en dessous. Sam Greenwood, malgré son but sur penalty, il a quand même été pas très en vue dans ce match. Balerdi, depuis quelques matchs, il enchaîne vraiment les mauvaises performances en défense. J'espère qu'on va pas retrouver le mauvais Balerdi qu'on connaissait encore il y a 2 ans, parce qu'il a fait quand même une bonne saison dernière. Vraiment, il s'est imposé. Mais là, ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne assez moyennement. Tout le reste aussi, même Højbjerg n'a pas été, je trouve, flamboyant, Rabiot non plus, Mopé devant non plus. Non, c'est vraiment un ensemble collectif de Marseille qui a vraiment été bien muselé par cette équipe strasbourgeoise. Et effectivement, c'est 2 points de perdu pour eux, pour essayer de creuser plus l'écart avec Lille et essayer de pas perdre trop le fil avec le PSG. Mais effectivement, là, 9 points de retard sur le PSG, là, bon, même si y a pas forcément d'espoir évidemment de titre pour l'OM non plus, mais essayer de rester pas trop loin du PSG, même jusqu'à la fin de saison, ça évite entre guillemets le ridicule, entre guillemets, ou en tout cas de voir le PSG encore une fois remporter cette Ligue 1 haut la main. Mais là, 9 points, après 18 journées, 9 points d'écart entre le premier et le deuxième, c'est quand même déjà beaucoup. Après, pour Marseille, c'est vrai que c'est quand même 2 points de perdu aussi par rapport à Lille. Marseille aurait pu avoir 7 points d'avance, ouais, sur Lille, ça aurait pu vraiment les conforter tranquillement dans cette deuxième place. Au lieu de ça, ça fait 5 points d'avance. Ils sont toujours tranquillement à la deuxième place, mais c'est quand même vraiment dommage, pour l'OM à domicile de pas avoir conclu une nouvelle victoire. C'est vraiment dommage, mais bravo à Strasbourg qui a vraiment fait le job et a fait un très bon match. Et il manque peut-être un petit Rongier là sur ce match-là quand même pour Marseille. Ouais, Rongier aurait vraiment fait du bien. C'est vrai qu'on a vraiment senti, depuis son retour. Il y a quelques mois, c'est vrai qu'on avait retrouvé un bon Valentin Rongier et c'est vrai qu'on sent qu'il est presque indispensable dans ce milieu de terrain, mine de rien, même avec ses Højbjerg, même avec ses Rabiot. Effectivement, Valentin Rongier, c'est un peu le pilier de cette équipe forcément. Et c'est vrai que on a senti son absence dans ce match-là. Alors, Strasbourg qui avait gagné face à Marseille d'ailleurs au match aller, hein, qu'ils ont bien embêté, ouais, sur les deux matchs. Il avait fait match nul face à Lille aussi. Et qui avait aussi, je sais plus, qui avait pris des points contre un autre, je l'ai plus là le match, mais qui globalement embête quand même les gros et qui avait pris des points déjà à l'aller. Donc Strasbourg qui en plus enchaîne une bonne série là, 5 matchs en défaite et a eu 3 victoires juste avant ce match-là, donc ils sont sur une grosse dynamique et ça leur permet de revenir à 10e avec 24 points, les Strasbourgeois. Donc on a Paris, on a dit 20, 46, Marseille 37, Lille 32, Monaco 4e 31, Nice 5e 30, Lyon à 29 points 6e, Lens 27, et puis donc ensuite on a donc à la moitié Strasbourg 10e, Brest 9e, Auxerre 11e qui glisse un peu, Rennes, Nantes, Saint-Etienne 17 points. Tout ça concerné par le barrage. Le Havre 13, Montpellier 12. Ils sont pas totalement décrochés, mais il y a un petit écart quand même. Allons sur les pronostics et l'autofoot très rapidement. Pas brillant ce week-end, évidemment, avec toutes les surprises. Moi, c'est 2 sur 9, hein, c'est pas. Et pas un, top. Un poil mieux, 3 sur 9 au moins, mais c'était quand même pas ouais. Simple. Hein, c'est Lille qui me donne la victoire. Hein. C'est Lille, t'avais tenté le Nice, mais. Ouais. Mais Lille a gagné. Ce match-là. 19e journée, allons-y maintenant pour les pronostics de cette journée. Vendredi, d'abord, 20h45, on aura donc Auxerre-Saint-Etienne. Auxerre, 11e, Saint-Etienne, 16e. Alors, Auxerre qui est vraiment pas bon sur une bonne dynamique. Saint-Etienne, c'est pas beaucoup mieux. Qui joue cette place de barragiste. Moi, je vais quand même mettre Auxerre qui va se relancer à la maison. C'est une équipe Saint-Etienne qui est quand même faible. Ouais. Ouais, j'ai envie d'y croire aussi. Après, il y a match nul, ce serait pas. Ça pas mal aussi. Ouais. Non plus. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. 2-1 pour Chelsea, but de Cucurella. À l'heure de jeu, on arrive à la 60e minute de jeu et ça fait 2-1. Donc pour Chelsea face à Wolverhampton, c'est un but qui fait du bien pour Chelsea qui poussait là depuis quelques minutes. Et donc ouais, ça fait 2-1 pour les Blues. Ouais, t'as mis au cerf, toi, du coup, hein, c'est ça? Ouais, mais un nul, c'est pas illogique, enfin, c'est pas déconnant du tout. Ouais, mais Sainté, ouais, n'est pas sur une bonne dynamique non plus, mais je les trouve un peu plus, combattant, on sait plus. j'ai du mal avec les actifs en ce moment, mais. Non, ouais, putain, je sais pas, je vais te suivre, parce que je vais la jouer tactique pour les pronos, parce que là, tu m'as battu encore une fois. Encore une fois, non, je t'avais battu la semaine dernière. La semaine d'avant, c'est toi. Je sais plus. Mais si, c'est toi, ouais. La semaine d'avant. Bon, en ce moment, c'est 1 sur 2, on fait. Ouais, c'est un peu ça. Je vais te suivre là-dessus. Allez. Je vais la jouer tactique. C'est sûr. Je vais mettre au ça. Samedi 17h, Monaco-Rennes. Monaco 4e, Rennes 14e. Alors, deux équipes qui sont pas dans des grosses dynamiques. Surtout Rennes, hein, qui a enchaîné 3 défaites. Mais Monaco jouera demain, hein. Faut pas oublier. Alors, c'est samedi après, mais. Qui va en tout cas devoir tout donner demain aussi, donc ça peut jouer. Moi, je vais quand même mettre Monaco là qui a plus le choix, hein. Clairement, s'il veut rester accroché dans ses places de Ligue des Champions, il faut gagner, hein. Face à Rennes, ouais. Qui est peut-être la meilleure victime en ce moment. Ouais, après, ça peut peut-être redonner une dynamique aussi. Ce match de Ligue des Champions, à voir ce que ça va donner. Ouais, demain, ouais. Tout va contre être Villa. Je vais quand même mettre Monaco parce que Rennes, c'est vrai que c'est quand même très compliqué en ce moment aussi. À 19h, Strasbourg-Lille. Strasbourg, on a dit, hein, qui reste sur une grosse dynamique. Lille, bah, là, pareil, hein, mais qui jouera, qui jouera cette semaine, mercredi, demain. Donc, ça peut aussi être important. Je vais te laisser parler le premier, parce que je sais pas du tout. J'ai presque envie de mettre un nul, mais. Non, je vais quand même mettre le LOSC, moi, quand même. Ouais, oui. Alors, tout va aussi dépendre de ce qui se passe. Après, ils sont qualifiés déjà, hein, donc. En Ligue des Champions, enfin, ils sont qualifiés. Au barragiste, ils sont pas. Au moins barragiste. Ouais, donc, est-ce que. Enfin, si Liverpool gagne rapidement 2-3-0, ça va être. Fin... Bah, honnêtement, je le sens un peu comme ça. Alors, je l'espère pas en soi pour les Lillois, bien sûr, mais je le sens un peu comme ça. Et je pense que du coup, après, ils vont peut-être pas trop en se dépenser, donc. Je vais aussi mettre Lille, même si Strasbourg reste sur une grosse dynamique. Hein. Faut pas oublier, hein, 5 matchs sans défaite. Ils ont embêté Marseille là, non. Lille est sur une très très bonne dynamique. Je mets le LOSC quand même. Ouais, moi aussi. 21h, Paris-Reims. Paris, donc bien sûr, leader. Prince 13e, je vais mettre Paris aussi. Hein, même s'il y a City cette semaine. Mais. Paris-Reims, c'est pareil. Hein, c'est pas une bonne passe du tout. Hein. En ce moment, ils sont pas bien du tout, Reims. Ouais. Donc pareil pour toi aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon bah pour l'instant on est tout pareil. Dimanche ça va peut-être se changer avec d'abord Le Havre Brest à 15h. Le Havre 17e et Brest 9e. Alors Brest qui joue aussi mercredi. Hein. On l'a dit qu'il joue face à Donetsk. Ouais, je vais mettre match nul moi. C'est pas mal ça. C'est pas mal ouais. Du tout. Mais bon, je vais pas mettre comme toi encore parce que. Mais en même temps, c'est. Ouais, je mets Brest quand même pour le. en se disant qu'ils sont mieux là, ils ont gagné deux matchs. À Donetsk, ils peuvent gagner, faire un gros match et rester dans une grosse dynamique. Le Havre, c'est quand même pas fort du tout. Hein. Là, ils ont pris un point miraculeusement face à Reims, mais. Il y a eu 4 défaites avant d'affiler. Ouais, je mets Brest quand même pour la série, mais c'est pas déconnant non plus le nul, en vrai. 17h15, 3 matchs. D'abord, Lens-Angers. Lens, 7ème. Angers, 12ème. Moi, j'ai envie de mettre Lens qui va se relancer hein, après cette défaite face à Nice. Mais face à Paris, pardon. Face à Paris. J'ai envie de mettre ça aussi, c'est quand même un beau lard, mais Angers est quand même sur 3 victoires. Angers pas mal du tout. Ouais. Pas mal du tout. Non, je m'élance quand même. Ouais. 3 victoires, c'était quoi ? Brest, Montpellier et Auxerre. Ouais, c'est pas non plus des cadors. Hein. Lance quand même toi. Ok. Ouais. Nantes-Lyon. Nantes 15ème, Lyon 6ème, qui est pas une grosse forme, mais qui joue jeudi surtout, les Lyonnais. Qui joue alors qu'ils sont presque qualifiés aussi, qui joue au Fenerbahçe. Pas simple. Je vais dire match nul. Ok, moi je vais mettre Lyon quand même. Bah, ils vont finir par regagner quand même. Petit bras. Et ça fait 3-1. 3-1 pour Chelsea. Le break juste après le deuxième but. Chelsea qui enchaîne là et qui file droit vers une victoire. J'ai pas vu le buteur, je crois que c'est Chaloba si je me trompe pas. Non, c'est pas du tout Chaloba. Et c'est sur un corner, non, c'est un coup franc, mais quasiment sur le poteau de corner, et c'est une belle tête piquée, mais qui va être reprise encore c'est une fois. C'est pas Courrelle, c'était le deuxième. Non, Courrelle, c'est le deuxième but. Je l'ai pas encore, le troisième. Ah si, ça y est, c'est. Eh ben non, je l'ai pas. C'est Madueke. C'est Madueke, exactement. Madueke qui a marqué, exactement. Ouais. Ça fait c'est 3-1, ça. Donc ouais, pour Chelsea, 65ème minute. Très break est fait, comme aussi refait le break 3-1. Villarreal, bon bah, comme prévu, hein, 4-0, ça a pas bougé. Et puis. Et là, ça donne quoi ? Et N3 mais toujours 1-0. Annecy tient toujours cette victoire importante. Ça m'embête. Eh oui, j'imagine. Ok, on a ensuite Toulouse-Montpellier. Toulouse 8ème. Montpellier, ouais. Pas dernier. 15 une victoire. Je vais pas mettre de nul, moi, dans ce match. J'ai pas mis de nul encore, mais. Il y a eu beaucoup de nuls ce week-end. Peut-être moins là. Je vais mettre le TFC. Là. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais, Montpellier, c'est. Toulouse qui est pas mal en plus en ce moment, hein. Même s'il y a eu cette défaite face à Strasbourg, mais sinon ils sont plutôt pas trop mal, donc je mets aussi Toulouse. Et enfin Nice-Marseille qui enchaîne les grands matchs. Hein. Là il y a Nice, 5ème donc, et Marseille 2ème. Le score pour cette rencontre, c'est un match important là. Ouais. Pas simple, hein. Pas simple. Je vais mettre 2-3. Et Nice, qui joue cette semaine. Oh, n'oublions pas qu'il joue jeudi. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est encore en Europa League, alors pour du beurre hein, quand même. Mais... Oui, il joue face à Elfsborg Boras, c'est le club suédois. Oui, mais c'est vrai que Nice est quasiment plié. Donc tu mets 3-2 pour Marseille. Ouais, ok. Ouais. Ils sont déjà éliminés. Pratiquement. Ah non, où il faut vraiment un miracle. Ouais, c'est encore possible, voilà. Mais ça c'est trop. Enfin, faut compliqué. Que Nice gagne 17-2, mais qu'en même temps. Ouais. L'autre côté, ça fasse. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a peu de chance. Ok. Moi, Marseille va se relancer. Je dis 3-1, moi. 3-1, donc j'aurais pas mis de match nul, mais écoute, tant pis. Hein. J'en ai mis quoi ? Ah, j'en ai mis 2. Ouais. J'en ai pas mis 2 quand même. Mais bon, il y a eu beaucoup de nuls ce week-end, peut-être qu'il n'y en aura pas, enfin pas du tout, ça arrive, hein, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Bon, on verra. Très bien. Un Toulouse-Montpellier, ça peut être nul. Mais j'ai pensé, tu sais que j'ai pensé pour en mettre moins 1, mais Montpellier, bon, là, ils ont gagné très bien, mais c'est que Monaco est pas bien non plus, mais c'est quand même très faible. Hein. Pareil, Auxerre Saint-Thé, on a mis Auxerre, mais ça peut être nul quand même aussi. Sur Auxerre Saint-Thé, ouais. Ça peut être nul aussi, ouais, ouais. Ouais, en vrai, ouais, c'est. Je suis pas. J'y crois pas trop à tout ça, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Très rapidement, cette semaine, 21h31, on est 22h31, on n'est pas très en retard, mais. Très rapidement, ce qui nous attend, alors, on l'a dit pour la Ligue Europa, Lyon, bah, c'est important pour eux, qui est quatrième, donc quasiment. Qualifié pour les barrages, qui veut se qualifier pour le top 8, pour les 8e, et qui va au Fenerbahçe, qui est loin, 21e, donc il faut gagner pour Lyon. Et pour Nice, Bon, on l'a dit, hein, en Suède, déplacement en Suède, voilà, ils sont là face à Boras, qui est 24e, mais Nice est 35e. Ah oui, c'est fini, il y a deux points. C'est terminé. Hein. Voilà, on est. Oui. Enfin, je me rappelais plus que c'était. Ah non, c'est plié, hein, deux points. Tu n'as plus de qualité. Si c'est de 8, ça ferait 8 points. 8 points, ça t'emmène, ouais. Ça t'emmène à la 18e place, mais ouais, non, mais d'ici là, ça aura bougé, hein, ce milieu de tableau. Non, non, c'est. Il y a trop de. Il y a trop d'équipes entre eux. C'est jusqu'à la combienième place, bah, 24 24 ou 26. Je sais plus. 24. Ouais, je sais plus, mais oui, non, c'est. Il y a trop d'équipes entre eux et la barrage, donc non, c'est deux points, c'est pas possible. Malheureusement pour les Niçois, mais qui ont perdu trop de points avant. Donc ça, ce sera pour la Ligue Europa. Bien sûr, la Ligue des Champions, septième journée également. On en a parlé toute l'émission, les rencontres qui nous attendent pour les clubs français. Demain, Monaco Aston Villa, donc c'est le premier match de la journée, 18h45. Puisqu'ensuite, on aura à 21h Liverpool-Lille. Et puis, bah, au passage, il y a aussi Atlético Madrid-Leverkusen qui est pas mal. Hein. On en a parlé aussi. Pour le reste, pas de grosses affiches. Ben un petit Benfica-Barça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Benfica qui est toujours une équipe de Coupe d'Europe, avec Di Maria qui est quand même toujours un bon joueur de football. Ouais, hein, qui enchaîne toujours une bonne petite performance. Ouais. Ouais. Donc, pourquoi pas. On peut cocher ça. Ouais. Et puis, mercredi. Donc, on a donc Brest aussi qui jouera en premier, Shakhtar Donetsk Brest à 18h45. Et puis, vous pourrez suivre du coup les deux matchs, puisque Paris joue à 21h face à City. Bien entendu, on en a parlé tout à l'heure. Ça qui est bien cette semaine, c'est que les quatre matchs français de Ligue des Champions, on peut tous les voir. Tout suivre, ça c'est plutôt bien. Alors, la semaine prochaine, ce sera différent. Ce sera un multiplex géant, bien sûr, qui va être fou. Et avec beaucoup d'enjeux partout, mais sinon là on peut suivre tout le monde. Donc hormis ça, on a quoi? Real Salzbourg, on a bon voilà, c'est pas un gros match. Non, il y a pas de gros match à part ça, hein, à part ce Paris City. Hein. Ouais non. Non. Ça c'est déséquilibré sur les autres pelouses. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Ah, multiplex géant en plus, comme nos amis Canal Plus sont l'intégralité de la Ligue des Champions, on va entendre notre petite musique favorite. Ah, ça va. Oh, ça va être magnifique ça. Puisqu'il y a quoi, 18 matchs, je crois. Bah oui, il y a 36. Il y a un groupe de 36. Bah, donc, ça fait bien. Ça se tient. Hein, ça se tient. C'est bon, ça, on est bon. Le compte est bon. Le compte est bon pour ce multiplex. On a ensuite, donc bah, ça c'est bien sûr cette semaine. Et puis bien sûr, bah, ce week-end, tous les championnats reprennent. On a évoqué toutes les rencontres. De Ligue 1, tout ce qui se passe à l'étranger, on a coché quelques matchs, donc plein de choses encore cette semaine. Pour le reste des sports, bien sûr, la suite du mondial de handball, les Français sont, on l'a dit, dans le deuxième groupe, deuxième tour, avec trois matchs cette semaine pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc la Hongrie, c'est ça, donc demain, les Pays-Bas jeudi. Et la Macédoine du Nord, samedi, pourrait se qualifier pour les quarts de finale de ces championnats du monde. L'Open Australie, deuxième semaine, ça y est, c'est la dernière semaine. On connaît les affiches des quarts de finale, on l'a dit. Demain, soyez au rendez-vous si vous pouvez, à 10h30. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, peut-être l'une des dernières affiches entre ces deux-là, entre ces deux monstres. Donc c'est demain matin pour les quarts de finale. Et puis bien sûr, dimanche, la finale. On débriefera tout ça lundi. En rugby, retour du top 14, ça y est, ce sera ce week-end. Et puis, en basket, on l'a dit pour l'OLB, deux matchs cette semaine. On aura un match, la demi-finale aller de la Leaders Cup demain soir à Rouen. Et vendredi, ce sera le retour, bien sûr, du championnat de Pro B avec un déplacement, me semble-t-il. On en a parlé pour la 21e journée à hier Toulon. Voilà, ce sera donc vendredi cette rencontre. Alors, j'ai juste suivi l'Open d'Australie de très loin. Du coup, mon fils, c'était le dernier représentant français. Ah non, il a perdu ce matin. C'était le dernier représentant. Non, il y avait Hugo Humbert aussi qui était en 8e. Ah oui. Qui a perdu face à Zverev. Donc c'était bon. C'était la marche était très haute. Oui. Ouais. Pour les Français. Donc voilà pour cette semaine en basket. Donc voilà. Et puis l'USO en a parlé qui se déplace à Valenciennes pour le national. Et puis une nouvelle étape de Coupe du Monde de biathlon, ce sera ce week-end en Italie, en Tulse, pour la 7e étape avant la trêve et avant les championnats du monde le mois prochain. Voilà ce qui nous attend toute la semaine, et puis on vous laisse avec les derniers directs. Bon voilà, c'est presque fini en Ligue 2, hein, c'est le temps additionnel. Annecy pour l'instant est en train de s'imposer 1-0, un but très tôt à 4ème minute, hein, donc pour l'instant ça fait le boulot, et qui pourrait avec ce résultat revenir 5ème, très important pour, pour la fin de saison, évidemment c'est une victoire qui va compter. On vous laisse avec Chelsea, t'en as parlé, hein, qui a fait le break face à Wolverhampton, c'est plutôt bien en bonne voie là maintenant. Plutôt en bonne voie effectivement, même si Wolverhampton a des petites fulgurances, c'est un peu de répondant, mais ouais, Chelsea là se dirige vers une victoire, ouais, on est à la 75e. Et triple changement quand même, hein, côté Wolverhampton, avec notamment l'entrée de Gonçalo Guedes, un ancien parisien. Donc ça peut encore bouger quand même d'ici la fin de match à Stamford Bridge. Et Chelsea pour l'instant reprend la 4ème place de City avec 2 points d'avance, et puis on l'a dit, ce match ce sera ce week-end entre ces deux-là, donc ils seraient bien inspirés de rester avec cette victoire. Et puis Villarreal Mallorca, ça peut encore bouger, mais la victoire elle est presque acquise pour Villarreal qui mène 4-0 assez rapidement au début de match, et il reste un quart d'heure, et Como aussi est en bonne voie pour s'imposer face à Udinese 3-1, et il reste 5 minutes, donc c'est pareil, c'est bien engagé pour comme victoire qui serait importante, qui leur permettrait tout simplement de quitter la zone rouge et de passer 13e, de passer de 17e à 13e. Donc c'est un gros bond avant pour Com qui pourrait se produire là. Udinese qui resterait au milieu, dans le ventre mou de ce championnat de Serie A. Voilà. Comme qui vient de signer, notamment, ça a été officialisé aujourd'hui, le milieu de terrain anglais Dele Alli, l'ancien PD de Tottenham. C'est vrai, qu'il n'a pas trop percé par la suite, malheureusement. Non, il y a eu des blessures, il y a eu tout ça, donc ouais, c'est un peu un gâchis aussi. Un des nombreux gâchis qu'a connu le football, ouais. Eh bien, on se quitte avec un dernier titre, et ben, voilà, 22h38, c'est pas mal, hein, on se tient quand même, il y avait beaucoup de choses ce soir, la semaine prochaine aussi, il y aura beaucoup de choses puisqu'il y a la Ligue des Champions. Donc on essaiera de se tenir dans ces eaux-là, 22h30, 22h40. Et voilà, on se quitte avec un dernier titre. Rendez-vous donc lundi prochain, 20h30, comme d'habitude, avec plein de choses encore. Hugo, merci à toi. Bonne soirée. Bonne nuit à tous aussi. Hein. Bonne semaine. Et bonne semaine à tous. On se quitte donc avec ce dernier titre. C'est qui va se démarrer là dans une poignée de secondes. Et donc ça c'est Morad avec Senior. Ce titre, ça démarre dans une petite seconde, enfin un petit peu plus. C'est parti. Rendez-vous lundi. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Et portez-vous bien, ciao, vive le sport. Ciao, ciao. Nunca quise llorar. Somos cualquiera, tuve que pensar para poder seguir. Hay gente que va a venir y yo no quiero nada. Amistades que son buenas, amistades que son malas.